Jean-Toussaint de Santi, Dominique de Santi, nous allons évoquer la personnalité de Bernard Gretuizen. Bernard Gretuizen que dans vos livres, chacun vous citez au passage. Je prends par exemple votre itinéraire intellectuel que vous avez retracé, Jean-Toussaint de Santi, sous forme d'un pseudo-dialogue avec Maurice Clavel dans Un destin philosophique. Et vous citez Bernard Gretuizen, que vous qualifiez d'homme socratique. Je lis ce passage. « Homme socratique, il lui arrivait souvent, au détour d'une conversation, de dévoiler un problème dans toute sa force et de laisser son interlocuteur en proie à la question posée. » Et vous, Dominique de Santi, vous qualifiez au passage Bernard Gretuizen de père spirituel dans oui. Un passage des staliniens. On le voit aussi... C'était pas mon père en stalinisme. Non, c'est pas ce que je veux dire. Et on le voit aussi dans la période de 1940-1941, oui. Vous conduire avec Jean-Toussaint de Santi vers le bureau de Jean Paulhan à la NRF, donc aux éditions Gallimard. C'est la première fois que nous pénétrions dans cette maison redoutable. Et alors, dans les trois escaliers, Groot, nous l'appelions toujours Groot, comme tout le monde, Groot marchait le premier, et j'étais juste derrière, et puis nous avons franchi un palier, et sur ce palier, à la porte d'un bureau ouvert, était debout, se tenait debout, un homme très grand, dont même à contre-jour, je voyais le regard très bleu, et Groot m'a soufflé, c'est Drieux La Rochelle, et là j'ai tourné la tête horrifiée, puisque Drieux La Rochelle était celui qui dirigeait la Nouvelle Revue Française sous contrôle allemand, alors que nous nous rendions dans le bureau juste au-dessus, chez Jean Paulhan, qui était l'ancien directeur de la Nouvelle Revue Française et qui n'avait pas voulu assumer cette direction sous contrôle allemand. Alors vous voyez, ça c'est un moment où Groot nous a montré, comme ça en 5 minutes, ce que nous avions à faire, en somme. Alors ça se passait donc en 1940-1941. Vous évoquez aussi dans les staliniens la personnalité que... on ne peut pas oublier, quand on parle de Bernard Gretuizen, c'est la personnalité de sa compagne pendant une quarantaine d'années, Alix. Alors, Alix Guilin, alors là, peut-être dirais-je que c'est l'exemple, pas du tout les conseils d'Alix Guilin, elle n'aurait jamais fait ça, mais c'est l'exemple d'Alix Guilin qui m'a poussé vers l'engagement dans le Parti communiste, parce que si vous voulez, c'était le surmoi d'Alix Guilin, c'était sûrement Rosa Luxembourg. Mais d'un autre côté, c'était une femme d'une douceur extraordinaire. Elle avait un regard, elle aussi, d'un bleu vraiment ciel. Là, j'ai devant les yeux une photo d'Alix très jeune. Alors, elle a une longue chevelure blonde et bouclée sur les épaules. Et elle a un air absolument de jeune fille romantique. Elle était à demi britannique d'origine. Son père était français, sa mère britannique. Et elle avait une espèce d'intransigeance parfaitement douce. C'était un ange intransigeant. Mais Bernard Gretuizen n'a jamais été communiste. Et quand c'est ça, à la différence de sa femme, qui était donc membre du Parti communiste et qui a été journaliste à l'Humanité, où elle était éditorialiste de politique extérieure. Avant Gabrielle Péri. Voilà, c'est elle qui assurait cette tâche-là. C'est elle aussi qui a assuré l'édition française des trois premiers tomes du Capital. Et c'est elle qui a publié les lettres de Rosa Luxembourg. Enfin, vous voyez, elle a donc activement milité par l'esprit. Mais Groot, pour moi, je crois qu'il était... C'était un marxiste très, comment dire, très ouvert. Et il pratiquait Marx à la façon dont il pratiquait les autres philosophes. C'est-à-dire qu'au fond, lorsqu'on lisait ce que Groot... ou qu'on entendait parler Groot d'un philosophe, on avait l'impression que ce philosophe était beaucoup plus proche et beaucoup plus, peut-être, fondamentalement intelligent qu'on ne le pensait au premier regard, au premier abord. Donc, être marxiste pour lui, négativement, ça voulait dire au fond deux choses. Premièrement, il était athée, n'est-ce pas, absolument. Pourtant passionné par la religion, oui, sur laquelle il a beaucoup écrit. La religion comme phénomène de culture. Ouais. comme mode d'apprentissage, par l'homme de sa propre intériorité. Mais jamais il n'aurait expliqué le phénomène religieux par l'action d'un être transcendant, par un être transcendant de l'homme. Pour lui, l'homme était absolument et totalement terrestre. C'est un homme mortel qui naissait, qui mourait, terrestre. Il a pourtant une très belle expression à propos de la religion, et il dit c'est la religion qui transporte l'homme au-delà de ses limites. Ça peut être une définition de la transcendance, ça, justement. Oui, ça peut être une définition de la transcendance, à condition que l'on suppose qu'il y a un certain appel qui vient d'au-delà du monde et qui porte l'homme au-delà de ses limites. C'est l'homme lui-même qui se porte au-delà de ses limites. Oui, c'était exactement la position de Malraux, d'ailleurs. Voilà. Oui, la définition de la transcendance de Malraux, c'était ce qui en l'homme dépasse l'homme. L'homme se dépasse. C'est ça, Malraux a pris sa philosophie chez Grote, quand même. En partie. C'est l'homme qui se déplace, et qui va au-delà, toujours au-delà. Bon, alors, donc on dira, si l'on veut qu'il y a concordance entre certaines thèses de Marx et... certaines, je ne dirais pas des thèses, parce qu'il n'en avait pas, mais certains des points de vue sur le monde de Grotthusen, en particulier celui-ci. Deuxième convergence, cette exigence que Groth posait toujours, de comprendre un phénomène de culture dans sa totalité, de laisser se développer pleinement le sens du phénomène de culture. Lorsqu'on le laisse se développer pleinement, alors on voit qu'un phénomène de culture ne peut pas se comprendre à son seul niveau, qu'on ne peut pas le comprendre sur un plan horizontal, mais qu'il faut, pour le comprendre, voir comment il est né, voir quelles sont alors les relations interhumaines de classe ou autres, historiquement constituées, qui lui permettent d'apparaître et de vivre. Donc, en cela, peut-être pourrait-on dire qu'il était marxiste. D'autre part, lorsqu'il parlait de Marx, il lui arrivait de parler de Marx, qu'il avait lu très bien. Il n'insistait pas tellement sur ce qui aujourd'hui passe pour l'essentiel, à savoir le caractère scientifique ou prétendu scientifique du marxisme. Pour lui, le marxisme, c'était une conception du monde. Une conception du monde débouchant, à ses yeux, sur une éthique et aussi sur... des possibilités d'action propres à transformer le monde. En cela, il subissait sans doute de très près l'influence d'Alix, qui, elle, était communiste, et qui pensait qu'il y avait un instrument propre à transformer le monde, et que c'était le Parti communiste. Alors, Jean Toussaint et Dominique de Santi, on vous voit donc pénétrer pour la première fois, semble-t-il, chez Gallimard, à la NRF, au début de la guerre, en 1940-1941. Mais dans quelles circonstances est-ce que vous avez connu Bernard Grotthusen et à quelle époque? Voilà, eh bien on l'a connu en 1940. De Santi avait un prof de philo qui n'était pas bachelard, un autre, Jean Val, qui était interdit d'enseignement parce que juif. Et alors, nous allions régulièrement le voir à son hôtel. l'hôtel. Et de plus, tous les 8-10 jours, on avait rendez-vous dans un café en face des deux magots, parce que Jean Val trouvait que les deux magots étaient horriblement bruyants. Et il y avait un café qui s'appelait le Royal Saint-Germain, qui depuis est devenu le Publicis, alors beaucoup plus bruyant encore, mais qui était assez tranquille. Et on le rejoignait là. Et un soir, on arrive, et il y avait là un homme tout à fait étonnant. Alors, je l'ai vu entrer. Il portait un grand feutre, un feutre à large bord, ce qui ne se faisait plus que pour les photographes, les artistes Montmartrois et Gaston Bachelard. Et il avait un feutre à large bord, il avait une canne, il était habillé d'un par-dessus un petit peu n'importe comment, il avait un mégot collé à sa lèvre, la barbe était couleur de nicotine, puis il enleva son chapeau et on a vu un front immense, barré d'une mèche, et un œil étroit, bridé, clair, extraordinairement brillant, souriant, et la bouche aussi souriait. C'était comme une espèce d'illumination. Ce n'était pas un homme jeune, nous étions en 40, il était né le 10 janvier 1880 à Berlin, mais je ne me suis pas posé la question d'âge ou de génération. C'était un être venu d'un autre monde, pour ainsi dire. Alors il s'est assis, il a pris une de ces horribles cigarettes que nous fumions tous, qui étaient roulées à la main avec très peu de tabac et beaucoup d'herbes de chez le droguiste, et il l'a allumée, il fallait rallumer tout le temps. Et il s'est mis à nous poser des questions, qu'est-ce que nous faisions, qu'est-ce que nous lisions, qu'est-ce qui nous intéressait. Et il vous envoyait son intelligence. Et on se sentait à sa hauteur, soudain, parce que c'était Socrate, justement. Et je me suis aperçu aussi que cet homme pouvait parler de littérature russe, française, anglaise, allemande naturellement, mais aussi des littératures exotiques et des philosophies, bien sûr, mais moi, il me parlait plutôt littérature. C'était une fantastique fenêtre d'ouverture et je peux dire que ce soir-là, ça a été le coup de foudre de l'amitié. Enfin, vraiment, moi, j'avais trouvé mon père spirituel. J'étais complètement éblouie et il nous a immédiatement dit de venir dès le lendemain, rue Campagne Première, dans son atelier. Et nous y sommes allés. Alors, je ne sais pas comment De Santi a éprouvé cette première. Alors, Jean-Toussaint De Santi, la même réaction. Ah, oui, vous aviez comme professeur de philosophie Jean Val, c'était... Un esprit tout à fait, prestigieux. Tout à fait. Et est-ce que Bernard Grothuysen était pour vous, quand vous l'avez rencontré pour la première fois, un inconnu, ou est-ce qu'il avait déjà, comme ça, une sorte d'aura, un peu de maître à penser? Non, pas du tout. Il n'était pas tout à fait inconnu, mais il n'avait, pour moi, enfin, pas d'aura de maître à penser, parce que, bon, j'avais vécu d'une façon un peu retirée, relativement au milieu de la NRF, que je ne connaissais pas du tout. Et c'était là que Grothuysen menait son activité culturelle. Mais je connaissais quelque chose de Grothuysen parce que j'avais eu l'occasion de lire un livre court, mais tout à fait excellent, qu'il avait écrit sur la philosophie allemande. 150 pages. Je vois encore la couverture, ça avait dû être publié chez Rieder, c'était une couverture rouge, hein, 12, petit format. Et ce livre expliquait tout le développement de la philosophie allemande depuis la fin de l'hégélianisme jusqu'à la phénoménologie de Husserl, avec des chapitres vraiment qui scandaient cette histoire. Un chapitre sur Nietzsche qui était tout à fait intéressant, remarquable. Donc je connaissais le nom de Grothuysen, mais je ne mettais sous ce nom aucun visage. Or, lorsque je l'ai vu, je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui est à la fois très lointain par la hauteur de sa pensée, mais très proche par sa capacité de dialogue, par la façon dont il sollicitait l'autre, sans en avoir l'air, en étant là, simplement en disant « Ah, n'est-ce pas, vous pensez cela ? Ah, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. » Et puis alors, ça partait. Alors, on l'écoutait, on répondait, on réfléchissait un peu dans sa tête pour soi-même, et on finissait toujours par se dire « C'est curieux quand même, je suis beaucoup plus intelligent que je ne pensais. » Et il donnait cette impression absolument à tout le monde. Oui, on a l'impression, à lire les témoignages, que finalement, Grotewiesen était probablement quelqu'un essentiellement de l'oralité, oui, plus que quelqu'un de l'écriture. Car on n'a pas, quand on lit ses livres, le sentiment justement d'un esprit profondément brillant et original. Alors qu'il semble que tous les témoins, justement, ont éprouvé cela au contact de sa conversation. Oui, c'était un homme de conversation, c'est sûr. Pourquoi était-il un homme de conversation et en quoi ? Enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que pour lui, la pensée était une sorte de dialogue. La pensée consistait pour lui à solliciter la réponse de l'autre. Ça consistait à expliciter dans le discours, non pas dans un discours que l'on ferait comme cela, mais dans une opposition, n'est-ce pas, dans la façon socratique. Sauf que Socrate faisait semblant de ne pas savoir ce qu'il savait, alors qu'il savait très bien. Tandis que Goethe se mettait en posture de chercher. Il cherchait avec. Et il fallait qu'il y ait quelqu'un avec qui il puisse chercher, même si c'était lui qui menait le jeu. Rencontre d'un lecteur et d'un auteur inconnu. L'auteur. Discutons. Le lecteur. Mais je ne vous connais pas. Qu'avez-vous besoin de me connaître ? Ce que je dis suffit. Mais si ensuite vous reniez votre parole, je vous promets de ne pas le faire. Mais sait-on ce qu'on a dit ? J'avoue ne pas vous comprendre. Tenez, l'autre jour, j'ai rencontré un fou qui se croyait le Christ. Il m'a dit avoir fait le sermon sur la montagne. Et ne l'avez-vous jamais entendu faire un sermon ? Si, je l'ai vu prêcher. Et vous avez écouté ses paroles ? Je pourrais vous les répéter. À quoi bon, la parole du fou me suffit. Mais il n'a pas parlé sur la montagne. Évidemment. Et il n'était pas le Christ, comment dire le contraire. Mais ce qu'il a dit, il l'a dit. En quoi cela peut-il vous intéresser, puisque tout ce qu'il a dit est faux ? À vous de juger si ce que je dis est vrai ou faux. Mais écoutez-moi d'abord. Je le veux bien, mais vous me promettez de ne rien désavouer. C'est entendu. Sa façon d'écrire est, je dirais, proche de la conversation. Sa façon d'écrire est simple. Il n'y a rien de codé dans l'écriture. Pas de charabia philosophique. Rien de codé. Jamais. Rien de codé, pas de code. C'est le langage de tout le monde. Et alors, si on le suit, on voit qu'en utilisant ce langage de tout le monde, en parlant ce langage de tout le monde, il arrive à dire des choses très profondes sur l'histoire, le temps, et à expliquer de la façon, et à faire comprendre de la façon la plus aiguë des pensées qui, maintenant, peuvent nous paraître étrangères, comme celle de Saint-Augustin ou celle de Plotin, dans l'anthropologie philosophique. Il avait une façon de se mettre à l'intérieur de l'autre. Voilà. Et de suivre le mouvement de sa pensée, de la devancer un peu. Il était toujours un peu en avance sur vous. Ben de même, lorsqu'il étudie Saint-Augustin, ou lorsqu'il étudie Montesquieu, ou lorsqu'il étudie Rousseau, il est toujours, dans sa lecture, un peu en avance sur le texte qu'il lit, mais il est à l'intérieur. Sa lecture était une recréation. Mais cette recréation, il l'exprimait de la façon la plus simple, comme s'il avait devant lui quelqu'un avec qui il parlait. Le jargon philosophique exerce toujours la fonction de scorie, d'une certaine manière. Mais il donne l'impression qu'il y a quelque chose dessous, hein, d'une profondeur. Bien, Goethe s'efforçait de faire en sorte que son lecteur pense qu'il n'y a rien dessous, sauf le fond, qui est explicite et qu'il montre. Guillaume Bellaval, quelles ont été les circonstances de votre première rencontre avec Bernard Grothuysen? Aviez-vous entendu parler de lui avant de le rencontrer? Aviez-vous lu des textes de Grothuysen? Je connaissais Grothuysen comme nom. J'avais très peu lu de lui. J'avais lu des choses de lui, par exemple, dans les Recherches philosophiques, une grande revue merveilleuse qui n'a pas continué de paraître. Notre rencontre a été pour le moins pittoresque. Je n'avais pas vécu à Paris. Je ne connaissais à peu près rien, et rien en particulier dans la maison Gallimard, où je publiais mon premier livre, par Jean Pollan et Jean Grenier. Et c'est donc Jean Pollan qui m'a dit « Venez chez Gallimard ». Et c'était le jour de réception, il y avait une douzaine, une quinzaine de personnes. Je ne connaissais au fond que Jean Pollan là-dedans. J'étais perdu, je faisais le cousin pauvre là-dedans. Il me tardait de m'en aller, pour tout dire. Non, enfin, c'était un spectacle assez pittoresque. Et il y avait dans le public un monsieur à allure très Bachelard. Il ressemblait à Bachelard, la grande barbe. Sauf que Bachelard ne fumait pas, tandis que Grothuysen, sa cigarette perdait ses cendres constamment sur sa barbe. Ce monsieur s'approche de moi parce qu'il m'avait senti perdu. Et avec une gentillesse extraordinaire, il m'a parlé, m'a réconforté enfin, m'a parlé de philosophie, je ne sais plus sur quoi. Et quand je suis sorti, je me suis dit, mon Dieu, comme ces grands éditeurs parisiens sont gentils. Le grotesque, c'est que je l'avais pris pour Gaston Gallimard, que je n'avais jamais vu, et il n'avait rigoureusement rien de commun. Enfin, cela s'est réparé. Si bien que quand je suis revenu dans cette maison, pendant, ça devait être vers 46, j'ai devenu 46, 47, après 48, j'ai plus revu Grothuysen. Alors, il était toujours là, et je voyais comment il se comportait, je pressentais son caractère. C'était un homme qui se caractérisait par une générosité extraordinaire. Il s'intéressait réellement aux gens et non pas par mondanité extérieure. Il voulait savoir qui ils étaient et au fond, on peut dire qu'il les aimait d'une façon générale, quels que soient les gens, n'est-ce pas? Et il voulait rendre service. Ça lui a joué un mauvais tour parce qu'on le sait, il a donné tout son temps aux autres et presque pas à lui, ce qui sans doute a contribué à ce qu'il n'écrive pas tout l'œuvre qu'il pouvait écrire. Toussaint et Dominique de Santi, on trouve un portrait peut-être l'un des plus saisissants fait de Bernard Grothuysen dans le livre de Clara Malraux, Le bruit de nos pas, dans le quatrième volume qui s'appelle Voici que vient l'été. Ah oui, c'est très bien. Voilà comment elle décrit Bernard Grothuysen, et Bernard Grothuysen, pas dans n'importe quelle circonstance, en face d'André Malraux, deux personnalités plus côte à côte que vraiment en dialogue. Bernard Grothuysen, à nos yeux, se caractérisait par le fait d'être le premier philosophe de nos amis qui s'intéressa à l'histoire. D'origine germanique, russe et hollandaise, un peu ventru, un peu barbu, le visage grâce à un front aux protubérances multiples socratiques. Son goût pour la maïeutique avait-il modelé ses traits ou ses traits avaient-ils commandé ses intérêts? Il vivait pour les idées. Il les nourrissait, il les transmettait d'une voix un peu lente aux inflexions germaniques. Sa parole s'accompagnait de gestes bienveillants, rythmés par la nécessité de porter à sa bouche une cigarette complice. Il contredisait peu, recevait la pensée de son interlocuteur et la lui rendait enrichie. D'autres fois, il poursuivait son propre chemin, mais avec une si extrême courtoisie que son partenaire se croyait sur la même longueur d'onde que lui. Il avait tout lu. Il continuait de tout lire de la même façon qu'il écoutait, s'insérant dans la pensée d'un auteur, la revivant. Il ne se trompait pour ainsi dire jamais dans ses jugements. Kafka fut l'un des cadeaux qu'il nous fit. Auparavant, il lut Freud, dont il se gardait de parler avec l'ironique désinvolture d'usage dans son milieu. La sociologie, qui ne s'appelait pas encore la sociologie, était alors objet de mépris pour les gens de la NRF. Grâce à Grotuisen, elle apparut vers les années 30 comme une discipline insolite, mais digne de quelque intérêt. Groot et Alix venaient le mercredi dîner chez nous, devant une table de bridge qui permettait d'utiliser la pièce non meublée. Dès après le repas, les deux hommes circulant de biais dans la pièce monologuaient, cœur alterné, lyrique pour André, subtil pour Groot, s'infléchissant rarement l'un l'autre. Groot, à l'accoutumée si accueillant à la pensée d'autrui, semblait jouir de pouvoir enfin n'en tenir aucun compte, soit qu'il lui semblât se trouver devant un égal, soit qu'il pensa qu'il fallait laisser la pensée d'André s'épanouir selon elle-même. La conversation durait jusqu'au moment où Alix se levait. « Je vais faire la brute », disait-elle. Il était minuit, l'heure du dernier métro. Le jeu merveilleux cessait d'un coup. Nous nous sentions lésés comme si des acteurs se fussent arrêtés au milieu d'un spectacle. C'est admirablement ça. Tout à fait ça. C'est admirablement ça. Alors, transportons la scène dans l'atelier de Groot. C'était rue Campagne Première, dans une maison qui existe encore, mais qui a été un tout petit peu rénovée en ce sens qu'on a mis l'eau courante dans tous les ateliers, et où ils occupaient un grand atelier, qui était le lieu où travaillait et dormait Groot, et un petit atelier où était le lieu où travaillait, dormait et cuisinait Alix. Cuisinait beaucoup dire, ça se faisait sur un réchaud à alcool à deux trous. Bien, et alors on arrivait, les murs étaient complètement tapissés de livres, sauf quelques tableaux, dessins, mais rien d'autre. Et Groot était là. Alors comme disait Groot, il ne faut pas être chosiste. Alors, il n'était pas chosiste. Il aimait les êtres et pas les choses. Mais il était si peu chosiste qu'il ne se rendait même pas compte de ce qui l'entourait. Et ainsi, un jour, c'est Alix qui me l'a raconté, elle l'a trouvé dans une parfaite inondation de l'atelier, les pieds dans l'eau, parce que le robinet restait grand ouvert. Elle lui a dit, mais Groot, pourquoi n'as-tu pas fermé le robinet? Et il a répondu, ah, je ne sais pas, n'est-ce pas, je pensais que ça devait être ainsi. Alors, voilà ce qu'il appelait ne pas être chosiste, c'est-à-dire que le monde extérieur, apparemment, ne jouait pour lui aucun rôle. Connais-toi toi-même. Qu'est-ce que l'homme? Telle est la question qui domine la pensée des siècles pendant lesquels se forme le nouveau monde de l'homme. L'homme cherche à se comprendre et se représente sous des formes différentes. Mais quelque variées qu'aient pu être les conceptions anthropologiques des temps passés, on peut cependant y discerner certains motifs fondamentaux qui, à travers leur transformation, garderont plus tard aussi toute leur importance dans l'image que l'homme se fera de lui-même. J'ai là devant les yeux les photos de Groot, jeune homme. Quand il avait 20 ans, c'est-à-dire en 1900, il a été tenté par le dandysme. Et sur ces photos, effectivement, je vois un jeune homme extraordinairement semblable à l'homme de 60 ans que j'ai connu. Dans la structure du visage, il n'a pas encore de barbe, il a juste une petite moustache et il est dans un jardin avec des fleurs sous une tonnelle. Puis ce même jeune homme, il est très élégamment vêtu. Puis ce même jeune homme, encore plus élégamment vêtu, avec un haut de forme sur la tête et un parapluie entre les jambes, et photographié sur une terrasse et regarde au loin. Puis, ce même jeune homme, ça doit être un peu plus tard, toujours dans un jardin et vêtu encore autrement, et là, on sent que trois poils de barbe commencent à orner son menton, ça doit être un peu plus tard. Donc, il y a eu une phase d'élégance vestimentaire, de soucis vestimentaires chez Grotuisen, dont il subsistait des traces bizarres. Parce que, par exemple, il portait de ravissants gilets romantiques à fleurettes. Mais comme il fumait ces ignobles cigarettes qui tout le temps s'éteignaient en lâchant des étincelles et des escarbilles, ce gilet était parsemé de petits trous. Et négligemment, il faisait partir la cendre de ses revers. Pas totalement, d'ailleurs, oui. Comme ça, d'une pichenette. C'est aussi comme ça que le décrit Maria van Rysselberghe dans les cahiers de la petite dame. En cherchant ce qu'il va proposer, Grotuissen, la cigarette aux lèvres, frotte l'index de sa main gauche avec sa main droite en un geste machinal et balancé. La tête rejetée en arrière, les yeux tout plissés comme s'il voyait les mots loin, loin, avec toute leur perspective historique. Il fume sans arrêter, inondant sa personne de cendre. Il ne touche délicatement le cendrier avec sa cigarette que quand elle n'a plus de cendre du tout. Ce geste a la politesse d'un petit remords. C'est tout à fait ça. Francis Ponge, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment vous avez connu Bernard Grotuysen et est-ce qu'il s'agit d'une première rencontre à proximité de la guerre dans les années 30 ou au contraire une rencontre beaucoup plus tôt à Paris? C'était beaucoup plus tôt, oui. J'ai dû rencontrer Grot, sinon en 1923, du moins certainement en 1924. Et peut-être déjà en 1923, à l'époque où j'étais grand ami de Jean Poyant, n'est-ce pas, et de Jacques Rivière, enfin des gens de chez Gallimard. Et Grotuysen était à ce moment-là habité neuf rue Campagne Première, dans une grande maison où il n'y avait pour ainsi dire que des ateliers, n'est-ce pas, sur de nombreux étages, beaucoup d'ateliers, de peintres, d'écrivains, enfin d'un tas de gens. Et aussi Paulhan avait lui-même un atelier là. Et nous descendions très souvent de l'atelier de Paulhan à celui de Grotuysen. Grotuysen avait deux ateliers, dont un plus petit et puis un fort grand, et qui était un lieu où on pouvait se rencontrer à plusieurs. Et dans cet atelier, qui était une espèce de capharnaüm, hein, c'était quelque chose... J'ai écrit un texte où j'ai dit que l'atelier de Grout ressemblait à celui de Picasso. C'est vrai parce que c'était une espèce de capharnaüm où il y avait un peu de tout, des choses épinglées au mur, des tableaux, des manuscrits, parce que le neuf de campagne avait été habité par beaucoup de peintres, notamment par des gens comme Quirico, des gens comme... Apollinaire avait habité là aussi, enfin, c'était un atelier et ils avaient laissé des tableaux. Mais alors, on descendait là, en général, pour que Poyant, en particulier, nous lisait ce qu'il était en train d'écrire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, mettait, si vous voulez, à l'épreuve de l'audition par des amis, mais des amis qui pouvaient être critiques, de ce qu'il était en train d'écrire, de préparer, qui était déjà naturellement les fleurs de l'arbre. Et je me souviens en particulier de la présence souvent là de Pierre-Jean Jouve, n'est-ce pas? Je me souviens en particulier de lui. Il y a pu y avoir d'autres personnages. Ungaretti? Ungaretti parfois. Mais moi-même, je n'ai connu Ungaretti physiquement qu'à la fin de la Seconde Guerre, n'est-ce pas? Francis Ponge, vous qui êtes un artisan du verbe, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce qu'était le verbe de Grotuysen, la parole, le discours de Grotuysen? C'était quelqu'un qui était, comment dirais-je, à peine était-on en sa présence, c'est-à-dire arrivait-on, si vous voulez, dans un atelier, qu'on était immédiatement jeté dans le monde des idées, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il vivait dans le monde des idées, et il était très disert, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il parlait très facilement et beaucoup. Il était, je ne peux pas dire bavard, le mot serait absurde, mais il était très disert, on n'était pas du tout gêné par le moindre accent de sa part. Et il était très, très, très agréable à écouter parce qu'il parlait très bien et surtout aussi parce qu'il parlait de ce qui vous intéressait vous-même, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il avait le génie, comme Socrate, quelqu'un qui vous faisait parler, qui vous mettait, si vous voulez, en état de vous connaître vous-même. J'ai depuis connu bien d'autres philosophes, naturellement. Eh bien, c'était pour moi des caricatures comparées à Gottlieb. Enfin, aucun rapport. C'était des gens qui jouaient le philosophe, enfin, à leur façon de s'habiller, leur façon de parler, mais etc. Mais enfin, qui n'avaient absolument rien du génie de Groot, enfin, sans aucun doute. Quelles sont les origines sociales et familiales de Gottwiesen? Alors, il est. Elles sont mystérieuses, elles étaient mystérieuses à l'époque. Pour nous, tout à fait, parce qu'on n'avait pas l'idée de lui demander. Il nous aurait sûrement répondu, mais on n'a jamais eu l'idée de lui demander. Et maintenant, c'est tout à fait embarrassant. J'ai son acte de naissance, qui est donc du 10 janvier 1880. Sa mère était russe. Son père, Gottwiesen, était germano-hollandais. Enfin, il avait à la fois des ancêtres néerlandais et des ancêtres allemands. Groot a été élevé en Allemagne et il a suivi les cours de Simmel, mais il a été très influencé surtout par un autre Allemand, Diltay, qui, parmi les premiers, s'est occupé des sciences de l'homme, de ce qui touche l'homme. Et de cela, Gottwiesen a été profondément marqué. Et donc sa langue de culture. Sa langue de culture était l'allemand. Seulement, il s'exprimait en français à part quelques intonations que Clara Malraux marque d'autant mieux qu'elle est elle-même d'origine allemande et qu'elle y est probablement plus sensible. Moi, je trouvais plutôt qu'il avait un ton de voix particulier. Je ne décelais pas d'accent. Non, je ne décelais pas d'accent. Pas d'accent. Et pas c'était vraiment. Un accent, une voix un peu chantante, n'est-ce pas? Et qui baissait le ton dans les fins de phrases. Ah oui, elle se perdait les fins de phrases. Elle se perdait, mais ouais. ça n'était pas un accent. Enfin, alors, de culture allemande et de langue allemande comme langue première, oui. Il a écrit ses premiers textes en allemand, mais ça n'a pas été le cas de tous ses livres. Non. La plupart ont été écrits directement très vite en français. En français, car dès 1904, il a rencontré Alix Guillain à Paris. Elle l'avait consulté à propos d'une traduction. Et elle lui avait déposé un mot, il lui avait écrit, il n'avait même pas compris qui ça pouvait être, puisqu'il met « Monsieur Alix Guillain ». Et ils se sont rencontrés, et je crois aussitôt aimés, aussitôt unis. Et naturellement, Alix était contre le mariage, cette institution bourgeoise, ce qui fait que de 1904 à la mort de Groot en 1946, elle est restée sa compagne, alors non seulement d'une fidélité, mais d'une présence rare, parce qu'elle ne s'éloignait jamais plus de quelques heures. Et celui qui partait de temps en temps pour aller soit dans le Midi à Cabris, soit chez Madame Mérich à Luxembourg, c'était plutôt lui. Et elle, occupée de divers travaux, venait ensuite le rejoindre. Mais elle ne s'éloignait jamais. Mais le mariage, quelle horreur! Jamais elle n'aurait admis une institution si bourgeoise qui aliénait la femme. Elle était... Alors, la plus exactement aliénée des femmes, parce que pour Groot, il fallait faire tout, y compris lui rouler ses cigarettes en faux tabac, parce qu'il était bien incapable de se les rouler lui-même, malgré les petites machines que nous avions tous. Alors, c'était très curieux. Donc, on était chez eux, et la conversation se poursuivait. Était rompue par le couvre-feu à ce moment-là, et reprenait le lendemain d'une manière absolument merveilleuse. Et à ce moment-là, je pense que pour Groot, le pays central était la France. C'est l'impression que j'avais. C'est à partir de la France et de la langue française qu'il considérait les autres cultures qu'il connaissait admirablement. Les choses qu'il m'a dites sur Dostoïevski, par exemple, personne ne me les avait dites avant. Et sur Hamlet, sur Shakespeare, Alors justement, homme de culture allemande, de langue allemande au départ, quelle était sa culture ? Il n'était pas seulement un homme de culture allemande, et en tout cas pas seulement de culture philosophique, aussi non, de non, culture non, littéraire. Non, pas du tout, pas du tout. C'était un homme de culture vraiment humaniste, et quasiment universel en ce qui concernait les activités humaines, sauf les sciences exactes, bon, pour lesquelles il n'avait pas de formation du tout. Mais pour tout ce qui concernait la société humaine, pour tout ce qui concernait les arts, pour tout ce qui concernait ce que nous nommons la culture, mais je crois qu'il avait un savoir, mon Dieu, à peu près universel. Enfin, il pouvait parler de n'importe quoi, aussi bien de Shakespeare que de Cervantes, n'est-ce pas ? Et de Cervantes que de Dante, et de Dostoïevski que de Goethe, n'est-ce pas ? Et sans parler des contemporains. C'était un homme qui était intérieur aux cultures. Je ne vous dirais pas qu'il était cosmopolite, ce serait mal dire, n'est-ce pas ? Il connaissait de l'intérieur des cultures tout à fait différenciées. Et il était apte à construire des connexions, à montrer des rapports. C'était un Européen. L'auteur dit des horreurs, mais ce n'est qu'un rêve. Le lecteur. L'autre nuit, je vous ai vu en rêve. Vous veniez à ma rencontre, exactement comme aujourd'hui, et vous m'avez parlé. L'auteur. Que vous ai-je dit ? Des horreurs. Des horreurs ? Des horreurs. Et que s'est-il passé ensuite ? Je me suis réveillé, j'ai appelé Eulalie, qui dort dans la pièce à côté. Et que vous a-t-elle dit ? De me rendormir. C'est ce que vous avez fait. Non, j'ai commencé à lire un roman, vous le connaissez peut-être. Quel en est le titre ? Théodore et Sophie. Et qu'avez-vous fait ensuite ? C'est tout ? Mais ne pouvez-vous pas me répéter les horreurs que je vous ai dites ? Vous rougiriez. Pourquoi aurais-je honte puisque je n'ai jamais rien dit de tel ? Je veux bien vous croire. Mais parlons d'autre chose, du roman que vous avez commencé l'autre nuit, par exemple. Le lecteur, je n'en ai lu que quelques pages. Et que dit Théodore ? Des bêtises. Et vous lui en voulez ? Comment lui en voudrais-je, puisqu'il n'existe pas ? Mais qui donc a dit ces bêtises ? L'auteur, évidemment. Heureusement que vous n'êtes pas auteur. Pourquoi ? Je vous aurais soupçonné d'avoir dit les horreurs que vous m'attribuez. Et comme lecteur, vous n'êtes pas responsable. Tout dépendrait donc de savoir si l'on est auteur ou si l'on est lecteur. Peut-être. Il est tard et j'ai hâte de continuer mon roman. C'est tout à fait, je dirais, fondamental pour la philosophie de Groot, ce texte. Parce que c'était un lecteur. C'était un lecteur. Bon, il a lu Hegel, Saint-Augustin, Shakespeare, etc. Mais qu'est-ce que cela voulait dire que lire ? Lire, pour lui, c'était s'installer dans un texte en y projetant les exigences de sa propre pensée et en recréant le texte à partir de ses exigences. On pourrait dire qu'au fond, pour lui, vu de l'extérieur, un texte, ça n'est pas. Un texte, ça n'est que pour le lecteur. Un texte, ça n'est que pour qui va s'installer en lui, que pour qui va le démonter, le refaire en le défaisant. Et le véritable auteur, alors on arrive à cette relation de réciprocité, n'est-ce pas ? C'est que l'auteur qui crée un texte est créateur dans la mesure où il peut susciter et jusqu'à un certain point maîtriser cette activité de recréation de son lecteur potentiel. On dit un texte me touche, mais c'est ça, le texte touche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux, comme on dit, entrer dedans. Il y a des textes dans lesquels on peut entrer, dans lesquels on ne peut pas entrer. Mais cette relation du lecteur à l'auteur, c'est la relation constitutive du sens de toute culture. Et cela groute dans ce texte si simple, limpide, dans lequel on dit, mais tout ça n'est pas profond. Mais c'est ça qui est dedans. C'est une théorie très profonde du sens d'un monde de culture, qui est toujours un monde d'échange. Le dialogue, si l'on veut, mais d'échange, dans le fond, d'échange, de partage. On partage le sens. Dominique de Santi disait qu'à un certain moment, il avait quand même basculé vers la culture, la langue, la société française. Donc il y avait eu tout de même un choix qui s'était fait, abandon de la société allemande et de la culture allemande. Un peu aussi. Mais tout de même, il y a eu un choix qui s'est produit à un certain moment. Qu'est-ce qui a pu motiver ce choix et est-ce qu'il n'a pas été beaucoup plus radical à partir de 1933 ? Je pense que... Écoute, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, c'est que depuis 1906, il faisait un cours de philosophie à l'université de Berlin et qu'en 1932, il en a démissionné. Alors ça, c'est un fait biographique important et qui prouve un choix. Il a choisi contre une Allemagne où la montée de l'hitlérisme était évidente. Et si beaucoup d'émigrés allemands passaient chez Gide, comme les cahiers de la petite dame en font foi, c'est presque toujours envoyé par Groote, parce qu'ils aboutissaient d'abord à l'atelier de la rue Campagne Première, et Groote tentait de les orienter vers ceux qui pouvaient les aider. Et je crois que ça a été une de ses tâches dans l'entre-deux-guerres, après la prise de pouvoir par Hitler, et pendant l'occupation, le nombre de gens qu'il a aidés. Mais chez Gallimard, d'abord, il choisissait les livres étrangers à traduire dans le domaine des idées, mais ensuite, il aidait les traducteurs, ça j'en sais quelque chose, mais même les auteurs des livres français à les parfaire et à aller jusqu'au bout de leur pensée, toujours par cette méthode socratique, ne pensez-vous pas, n'est-ce pas, et puis l'autre se sentait subitement venir des idées. Et ça, c'était absolument extraordinaire. Et par exemple, quand il parlait avec Paulhan, on avait l'impression que Paulhan allait à la pointe de lui-même et que Groote l'y poussait et y allait également. Et de même, une fois, je l'ai entendu parler de la mort avec Malraux. Alors, Malraux, vous savez que c'était un obsédé de la mort. Et Malraux se lançait dans de grands monologues lyriques sur la mort, la beauté, la nécessité, l'horreur de la mort. Et Groote apportait tout d'un coup la note de l'extrême-orient, la note de la métempsychose, la note de l'athéisme. On avait l'impression qu'il jouait avec la mort, lui qui ne croyait en aucune survie. Et on avait l'impression aussi, et ça Malraux m'a dit qu'il le ressentait, que Malraux s'apaisait dans ce dialogue, que son angoisse de la mort le quittait pour un moment. Et c'est pourquoi il revenait toujours à Groote. Vous savez que dans la condition humaine, il y a un philosophe, un personnage, le père de Kyo, le révolutionnaire, le père européen, la mère étant japonaise, et ce philosophe, Gisor, on m'avait dit que c'était Grootwiesen. Alors, dans le dernier entretien que nous avons eu avec Malraux, c'est-à-dire 3 semaines avant sa mort, je lui ai dit, mais finalement, est-ce que c'était ou est-ce que ce n'était pas Groote ? Et il m'a dit, c'est pas à vous que j'apprendrai qu'un personnage de roman est toujours fait de choses multiples déposées dans l'auteur et qui se mêlent d'une manière que l'auteur n'avait probablement pas prévue. Mais il est certain que si j'ai osé faire un personnage comme ça, un personnage de parfaite sérénité, c'est parce que j'avais rencontré Grotuisen, car dans nos civilisations, un personnage pareil n'est absolument pas croyable. Et je le sentais si peu crédible que je lui ai attribué l'habitude de fumer de l'opium alors que jamais Groot n'a dépassé le tabac, parce que je voulais... c'était une concession, disait Malraux, c'était une concession à l'idée qu'avaient les gens de la sérénité. Je voulais lui donner une voie de sérénité admise, une voie extrême orientale dont Grotuisen n'avait aucun besoin. Lecteur, bien des personnages ont passé dans mon rêve, l'auteur, moi entre autres, et d'autres encore dont je ne vous ai pas parlé. Tout ce qui concerne ces personnages, je l'ai inventé. Autrement, vous n'auriez pas rêvé. Mais qu'en est-il de leurs paroles? Ils ne les ont pas prononcées. Mais ce qu'ils ont dit, quelqu'un l'a dit. Et ce quelqu'un, c'est vous. C'est moi. Vous ne vous êtes donc pas inventé, du moins pour autant que je parle, car je me suis imaginé faire bien des choses que je n'ai pas faites. On parle donc en rêve, mais on ne rêve pas de parler. Oui, on ne rêve pas ses paroles ni celles des autres qu'on entend parler, on les dit. Ainsi, toute parole est vôtre. Tout ce qui s'est dit, c'est moi qui l'ai dit. Même les horreurs que vous me prêtez. Ne m'interrompez pas. Dans nos rêves, nous monologuons par personnes interposées. Sommes-nous d'accord? Mais comment appliquerez-vous cela à mon roman? Rien de plus facile. Vous n'avez rien fait de ce que Théodore est censé avoir fait. Ce n'est pas vous qui avez poursuivi Sophie de vos assiduités. Mais ce que Théodore est censé dire, c'est vous qui le dites. Et aussi tout ce que Sophie répond à Théodore? Évidemment. Écrire un roman, c'est donc parler tout seul. Tout roman est un dialogue intérieur. Oui, je ne crois pas qu'il ait été si serein au fond de lui. Mais disons qu'il avait une pensée qu'il essayait de maîtriser le plus possible, si bien que le fond d'angoisse qu'il devait avoir, comme tout le monde, était, je ne dirais pas refoulé, mais apaisé. Il apaisait. Et le fait qu'il apaisait sa propre angoisse par l'exercice de la pensée, et par l'intériorisation dans la culture, de même, il l'apaisait chez les autres, par le dialogue. Je suppose que c'est ce qui a dû se produire avec Malraux à propos de leur discussion au moment de leur discussion sur la mort. Fait de parler, le fait de suivre une pensée, le fait d'essayer de rendre clair, d'expliciter, ben tout cela éloigne l'angoisse. C'est ce que devait sans doute éprouver Malraux. Alors cet art du dialogue chez Grotuisen, est-ce que ce n'est pas aussi pas simplement la démarche du philosophe, mais aussi presque une démarche pédagogique? Il a été un enseignant, il a été un professeur. Oui, il a été un enseignant et finalement il l'est resté. Il était profondément pédagogique à l'égard de lui-même. Oui, c'est ça, à l'égard de lui-même. Oui, mais alors là, je viens de regarder trois lignes de biographie de Groot et je vois qu'il démissionne en 1932 pour protester contre les persécutions dont sont victimes ses collègues juifs. Il a fait ce que Heidegger n'a certes pas fait, puisqu'il a pris la chair de son maître Husserl. Oui, non, mais ça c'était prévu. Mais il l'a prise de toute façon. Non, c'est moi, Heidegger. Heidegger était tellement opposé à l'école de Francfort. C'était un paysan, Heidegger. C'était peut-être un paysan, mais c'était un paysan qui n'entrait pas dans les subtilités de qui enseignait et qui ne pouvait plus enseigner. Il avait horreur de tout ça. Ah ben peut-être, oui. Mais il n'avait pas le sens de l'histoire et le sens... Parce que Groth avait, bien que parfaitement athée, il avait des valeurs morales assez fermes, des règles morales avec lesquelles il ne transigeait pas. Il trouvait que l'ambition temporelle était quelque chose de parfaitement ridicule. Il n'en avait aucune et malgré son indulgence, il trouvait non pas que les amis qui avaient une ambition temporelle faisaient quelque chose de mal, mais qu'ils faisaient quelque chose de risible et d'indigne d'eux. C'était plutôt ça. Parce que lui, qui avait été professeur en Allemagne, n'a plus jamais eu de chaire en France et n'a jamais rien fait pour en obtenir une. Et finalement, ses fonctions, c'était d'impulser les livres parlant d'idées aux éditions de la NRF et aux éditions Gallimard. Il était rétribué exactement pour subsister, pas un sou de plus. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que actuellement, où on parle tant des sciences de l'homme, de l'ethnologie et anthropologie du quotidien, de la critique de la vie quotidienne, du dialogue, de la communication, on parle beaucoup de Gide, on parle encore de Malraux, et on ne parle plus du tout de Bernard Grotthuysen. Ça, c'est un oubli dont je n'arrive pas à déceler les causes. C'est précisément parce que l'honnête homme n'est autre chose qu'une sublimation du bourgeois honnête et non une figure abstraite relevant d'un catéchisme moral qu'il représente une réalité, l'homme nouveau, que la bourgeoisie des temps modernes pourra opposer à l'ancien que concevait l'Église. Cet homme nouveau a fait ses preuves. C'est sa propre existence qui sera son suprême argument. Il a prouvé ce dont seule la vie peut témoigner, qu'en vivant comme il le fait, on réussit. Il y a les villes et les villages florissants. Il y a le bien-être qui se répand partout où il a pu librement déployer ses forces. Il y a le bonheur, qu'un Dieu jaloux ne semble plus garder pour l'au-delà depuis que ses enfants ont su se conduire en hommes raisonnables et entreprenants. Il y a le monde qu'il a créé et qui témoigne en sa faveur. Ce monde est à lui. Il n'est pas l'œuvre des dévots. Il l'a créé malgré les dévots, qui lui parlait de la vanité des efforts humains devant la mort. Lui, il a cru à la vie et il a réussi. Jean Toussaint et Dominique de Santi, Bernard Grotthuysen, qui est né en 1880 et est arrivé en France au début du XXe siècle, vous l'avez connu l'un et l'autre au début des années 40, mais déjà depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire probablement depuis 32-33, lorsqu'il a quitté Berlin en 1932 devant la proximité de la montée du nazisme, il exerçait toute une aura intellectuelle, notamment dans le milieu de la NRF. Alors, oui. Quel a été essentiellement son apport dans ce domaine comme éditeur chez Gallimard? Alors, je sais que lui et son grand ami Brice Parrain, qui était très axé sur tout ce qui était slave, à eux deux, ils orientaient, avec Paulhan naturellement, mais qui était toujours d'accord avec eux, ils travaillaient très étroitement ensemble, ils orientaient tous les livres de pensée, c'est-à-dire de philosophie, d'histoire et de ce que nous appelons à présent les sciences de l'homme. C'est-à-dire de sociologie, puis les essais qui ont pu paraître. Et d'ailleurs, étant donné que Groth était certainement celui qui connaissait le mieux les langues, c'est-à-dire qui n'en avait pas une connaissance comme ça, école de langue, ou portier d'hôtel, ou manuel de conversation, mais qui avait la connaissance profonde de la culture de cette langue, on ne publiait rien sans son opinion. L'allemand, le russe, l'anglais aussi ? L'anglais, très bien. Ah, l'anglais, très bien. Le hollandais également. Mmh. Enfin, on n'a peut-être pas beaucoup traduit du hollandais, mais Groot connaissait bien le hollandais. Et alors, ce qui était également très important, c'est qu'il était profondément lié, d'une part, avec Poland, dont l'influence sur la NRF était décisive, et d'autre part, avec le grand personnage dont le prestige était total sur Gaston Gallimard, André Gide. Est-ce qu'on sait par qui Bernard Grotwiesen est entré chez Gallimard ? Est-ce que c'était une rencontre avec Gaston Gallimard, ou est-ce que, plus vraisemblablement, c'est par l'intermédiaire d'André Gide ? J'en sais rien. Je sais qu'il a connu très vite André Gide, puisqu'il me racontait en riant... Ils m'ont nommé pédéraste d'honneur. Je ne pouvais pas aller plus loin. Et d'ailleurs, il passait les vacances avec Gide, avec la petite dame, avec Elisabeth van Rysselberg, la fille de la petite dame, dont, comme on le sait, Gide a eu une fille, Catherine. Et avec Catherine, justement. Et, exactement. Et avec Catherine, que Grotwiesen et Alix ont vu naître et ont vu grandir. Et Catherine, qui a d'ailleurs assisté au dernier moment d'Alix à l'hôpital. Vraiment, ils étaient des familiers chez Gide et donc chez Madame van Rysselberg, sur le même palier. Oui, justement, quand on lit les cahiers de la petite dame de Maria van Rysselberg, on trouve assez souvent, justement, mention des visites au vanneau des Groots, comme elle dit. Les Groots, et ben on a presque l'impression, d'ailleurs, qu'ils ont leur jour, notamment pour venir dîner au vanneau. Oh bah écoutez, ils venaient certainement au moins une fois par semaine, ça devait être convenu, mais soit pour le travail, soit parce que quelqu'un avait téléphoné à Gide ou qu'une question s'était posée à Gide, ils se voyaient certainement plus d'une fois par semaine. Avec Gide, ce sont des rapports uniquement d'amitié, d'amitié intellectuelle ou également des rapports de travail ? Oh non, beaucoup des rapports de travail, c'est-à-dire d'abord... Quand Gide était traduit en allemand ou en anglais, non, il n'avait besoin de personne, mais en allemand, toujours, il faisait appel à Grotwiesen pour revoir la traduction. D'autre part, quand il lisait une œuvre dans une langue étrangère, il désirait toujours en discuter avec Grotwiesen. Et c'est ainsi que nous trouvons, le 3 novembre 1929, dans les cahiers de la petite dame, cette note « Même délicieuse et longue journée de travail avec les Grotwiesen ». Même, donc, c'est une poursuite de quelque chose. On perd peu de temps à bavarder, mais le moindre mot devient matière intéressante. Et ça, c'est très bien vu, parce que, comme nous l'avons dit tout au long de cet entretien, le moindre mot de Groot vous obligeait à aller plus loin qu'on ne savait qu'on pouvait aller. Et visiblement, c'était la même chose chez ceux que j'appellerais l'égide, enfin le coin vanneau. Je ne sais à quel propos Grotwiesen parle de la psychologie de l'être louche. Celui, dit-il fort bien, qui n'arrive pas non plus à faire du mensonge sa vérité et qui toujours louvoie. Ce serait un type bien amusant à créer, dit Gide. Mais on dirait encore que je me peins moi-même. Alors vous voyez, c'était plein d'humour. Et en même temps, nous voyons que Groot poussait Gide aussi à la pointe de lui-même. Et ça a été comme ça pendant de très longues années. Et puis, il y a eu le rapprochement entre Gide et les communistes au moment de l'affaire du procès de Dimitrov. Alors justement, il s'agit donc des réactions des intellectuels français lors des poursuites des communistes allemands par les nazis. Oui. Est-ce que Grotwiesen, bon, qui était certainement particulièrement sensible à tout ce qui se passait au cœur en Allemagne, de cette bien affaire. Entendu, est-ce que Grotwiesen a pu avoir une influence sur Gide, justement, pour provoquer sa réaction? Oui, assurément. Et son engagement. Assurément, oui. Il y a deux personnes, beaucoup de gens ont influencé Gide, qui était très influençable. Mais enfin, il y a deux personnes dont l'influence a été déterminante. Je ne dis pas sur son voyage en URSS, mais sur sa prise de position préalable. C'est Grotwiesen et Malraux. Or, Malraux était en grande partie animé par Grotwiesen, justement. Par conséquent, nous retrouvons un Grotwiesen au deuxième degré. Et Gide se référait constamment à Grotuisen pour tel et tel point qui lui paraissait obscur dans l'attitude des communistes. Gide n'aimait pas Aragon, n'aimait plus Aragon du tout. La petite dame lui disait d'ailleurs « il ne vous aime pas ». Et un autre proche de Gide, un type tout à fait extraordinaire, une espèce de nomade éternel que Grotuisen a très bien connu, et que j'ai vu pour la première fois chez Grotuisen, Pierre Herbart, l'auteur de l'admirable Ligne de force. Pierre Herbart était très, très proche de Grotuisen et communiquait beaucoup avec lui, car Herbart était un militant communiste qu'on a envoyé en URSS et qui, là-bas, a découvert la vérité de l'URSS. Et c'était tragique parce que c'était le moment où la pression, justement, de Pierre Herbart, mais aussi les affectueuses pressions de Malraux et de Grotuisen, avaient déterminé Gide à aller en URSS. Et Herbart, envers lui-même, n'osait plus se dédire. On a envoyé Herbart, les Russes, ont envoyé Herbart chercher Gide à Paris et le ramener. Herbart l'a fait, étant déjà profondément désillusionné et déçu sur l'URSS. J'étais invité déjà depuis assez longtemps à aller en Russie. J'ai déclaré que je n'irais en Russie que accompagné de 5 camarades. Je dis camarades, bien que je ne veux pas dire là, par là, des gens inscrits au parti. Je n'ai consenti à ce voyage avec enthousiasme, avec joie, que à condition, je vous dis, d'être accompagné. Quoi, il y avait Chiffrine. Jacques Chiffrine. Il y avait Guillou, l'auteur du Sang Noir, Pierre Herbart, qui depuis un an avait vécu à Moscou et commençait à parler à peu près le russe, en tout cas était très au courant des questions, Jeff Last et Eugène Dabit, qui malheureusement est mort en Crimée. Est mort en Crimée à la fin de votre à voyage. À la fin de notre voyage, qui a ajouté une note affreusement tragique à ce voyage, évidemment sensationnel. Je regrette un peu, et j'ai été prudent à l'excès, sans du tout pouvoir me rendre compte, comme je le fais aujourd'hui, de la surveillance qui était exercée sur nous. Quand même, nous avions ce que nous appelions en riant nos anges gardiens, qui surveillaient étroitement tout ce que nous faisions. Mais enfin, nous l'admettions. Par certains mouvements de révolte que j'ai pu avoir là-bas, je n'ai pas osé, et je le regrette aujourd'hui, je n'ai au pied de la lettre, je n'ai pas osé tenir un journal de ce voyage. J'avais l'impression qu'on pouvait fouiller dans mes affaires et que ce que j'avais à dire n'était peut-être pas, l'avenir l'a prouvé, toujours à la louange de l'URSS, et que je... Enfin, que c'était assez dangereux. Et pour même préciser cela, je vais tout de suite à la fin de notre voyage. Nous devions, Pierre Herbart et moi, prendre l'avion pour Paris un certain mercredi. Et je me souviens très bien que le lundi, nous nous sommes dit l'un à l'autre, ça commence à sentir le roussi, partons mardi la veille. C'est pour vous indiquer l'état d'esprit dans lequel nous étions. Je ne sais pas si aujourd'hui, vous pouvez vous représenter ce qu'a pu être ce voyage. Je peux dire vraiment que, mais je le dis en riant, j'ai vraiment connu la gloire. À un point qu'on ne se figure pas. Il m'est arrivé d'entrer dans une salle de spectacle, le spectacle s'interrompant et l'orchestre jouant la Marseillaise parce qu'on m'avait vu, n'est-ce pas? C'est ce genre-là. Oui. Chaque fois que je me déplaçais, ben, je ne pouvais pas aller dans un village sans qu'il y ait des banderoles toutes prêtes, n'est-ce pas? Pierre Herbart prétendait que nous les transportions nous-mêmes dans l'auto et qu'on les déployait au dernier moment. Mais ça, c'est une plaisanterie. La vérité, c'est que le village était couvert de banderoles à la gloire d'André Gide, le plus grand écrivain français, etc. Mais c'est des choses absolument ridicules. Et cela ne vous a pas monté à la tête? Bon, oui, au cœur, enfin, c'est assez capiteux. Et heureusement, j'avais mes compagnons avec moi pour en rire, ce qui m'épargnait le ridicule de couper dedans à l'excès, n'est-ce pas? Avez-vous pu rencontrer là-bas des écrivains, des artistes, des intellectuels? J'en ai rencontré deux, Alexis Tolstoï d'une part, mais il a beaucoup fait sans qu'il s'en rende compte pour me faire, je peux presque dire détester ce régime. quand il me racontait qu'il avait plusieurs enfants, par conséquent il avait plusieurs propriétés, plusieurs autos, une par enfant, n'est-ce pas? Je dis, est-ce vraiment ça que nous cherchons en Russie? Et puis alors il y en a un autre pour qui, que j'avais déjà rencontré à Paris, pour qui j'ai été pris d'une violente sympathie, c'était Pasternak, que je considère comme un vrai, un grand poète, et qui, à la suite de la publication de mes livres, m'a renié et m'a vomi, mais il le devait. Il ne pouvait pas. On savait qu'il était venu me voir, que j'étais allé le voir. Et je me souviens très bien que deux jours avant mon départ, le rencontrant à l'hôtel, comment ça, l'hôtel Métropole, Métropole, je crois, oui. Métropole de Moscou, dans le hall, il m'aperçut, courut à moi, avec un air assez bouleversé, se rendant compte qu'il m'avait peut-être trop parlé. Et vint me dire, vous savez, il ne faut pas tenir en considération ce que j'ai pu vous dire l'autre jour, je ne sais pas, j'étais ivre, enfin, je vous en prie, ne tenez pas compte de ce que j'ai pu. Enfin, quelqu'un ose à quoi. Grothuysen, peut-être pour garder des illusions sur l'URSS, mais surtout Alix disait, oh ben bien sûr, Gilles a été vraiment trop choqué par la condition faite aux homosexuels en URSS, mais bien entendu, cette condition nous paraît inadmissible, bien sûr, mais enfin, ça c'est passager, ça, me disait Alix. Il y a eu un article de Gilles, justement, sur les homosexuels en URSS. Ah ben bien sûr, mais si vous voulez, alors... Mais évidemment, on ne pouvait pas en faire l'unique raison. Voilà. Alors, les communistes, pour expliquer le livre de Gide, ont dit, ah, bien naturellement, lui qui est le militant de la cause homosexuelle, en voyant que cette question était non pas résolue, mais aggravée en URSS, a été profondément choqué et de ce fait, il a jugé négativement tout ce qui se passait en URSS. Et Alix, c'est comme ça qu'elle m'avait expliqué Retour de l'URSS. Je dois dire que moi, j'avais lu Retour de l'URSS, je devais avoir 16 ou 17 ans, et je n'étais pas du tout communiste, et j'avais trouvé que c'était le moins qu'on pouvait dire sur l'URSS. Alors, mais quand Alix me parlait, c'était en 40-41, je commençais déjà à évoluer au sujet de l'URSS et à me poser des questions, et certainement, elle m'a beaucoup influencée en me disant, mais Gide a réagi comme ça à cause de la question homosexuelle. On a une petite trace, justement, dans les cahiers de la petite dame. Lorsque Gide s'apprête à publier « Il attend les épreuves du retour du RSS » qui va paraître en novembre 1936, et on a l'impression que, bon, il sait parfaitement que ça va être une bombe dans le contexte de l'époque. Je rappelle que depuis quelques mois, c'est la guerre civile en Espagne et que toute la gauche intellectuelle française est mobilisée justement dans la lutte contre le fascisme. Il s'agit plus seulement de la lutte contre l'hitlérisme, mais également de la lutte contre le fascisme aux portes même de la France, qui n'est plus seulement en Allemagne, en Italie, mais également en Espagne. Par conséquent, quelqu'un comme Malraux, par exemple, pense qu'il n'est pas question de se désolidariser avec la patrie de la Révolution. Et au fond, une des premières à avoir la réaction de Gide au moment où il s'apprête à publier Le Retour d'URSS, mais où personne encore apparemment ne connaît le contenu de ce livre, c'est précisément Alix. Alix m'avait chargé hier d'une requête pour Gide. Elle voudrait de lui quelques mots d'introduction pour une brochure sur Edgar André, ce communiste allemand est justement condamné à mort par les tribunaux nazis. Ce matin, elle téléphone à Gide à ce propos et il l'engage à venir en parler à l'heure du thé. Au déjeuner, il me dit « Je réfléchis que s'il est prudent de ne pas répandre mon opinion sur l'URSS avant la publication de mon livre, il n'est pas bien devant certains de faire le cachotier. Ainsi, dès aujourd'hui, je voudrais avertir Alix. » Il a déjà parlé à Nizan, qu'il aime bien et considère comme intelligent, sans bien démêler ce que Nizan pense lui-même. Parlerait-il aussi à Vaillant? Non. Alix et Groot arrivent à l'heure du thé et tout de suite il est question de la brochure à préfacer. Il leur lit à haute voix la petite introduction qu'il a rédigée. À un moment donné, voulant flétrir l'action néfaste de la tyrannie, Gide use du mot « dictature ». Alix aussitôt dit « Ne pourriez-vous pas mettre fascisme à la place? Sinon, on va englober la Russie dans ce jugement. » « Mais c'est que je l'englobe, moi, » dit Gide. Un assez long silence. La phrase finit par s'arranger à la satisfaction de chacun. L'important était du reste de donner à Alix cette petite indication. Pauvre Alix. Alors, quand le livre « Retour de l'Urse » paraît, alors là, pour elle, c'est vraiment la crucifixion. Parce que finalement, entre la fin des années 20 et 1936, pour elle, le coin Vanneau, c'était presque aussi familier que son atelier de la rue Campagne Première. Et voilà tout d'un coup que ça devient une zone, sinon interdite, parce qu'elle a quand même fait passer l'amitié avant les interdits politiques, mais au moins difficile, parce que comment expliquerait-elle à ses camarades qu'elle continue à fréquenter le traître Gide ? Alors, elle envoie Grotuisen au coin Vanneau et elle n'y va plus. Les Groutes dînent avec nous. La conversation contrainte devient tellement banale qu'elle en paraît absurde. De plus, Gide a acheté hier un gyroscope qu'il fait marcher et montre avec complaisance. Il raffole de ce genre de jeu qui ne touche pas du tout les Groutes. Heureusement que la présence de Catherine rend cela plus naturel. Il se retire de bonne heure et Elisabeth aussi. Pierre et moi restons seuls en face des Groutes. Bientôt, Alix ne peut plus se contenir et parle du fameux article de la Pravda dont nous n'avons encore lu qu'une traduction incomplète, qu'elle a l'inconscience ou la bêtise de déclarer admirable, ce qui déclenche une violente protestation d'Herbart, qui trouve cette façon de se défendre aussi grotesque qu'inadmissible, que du reste le parti se conduit d'une façon absurde, faisant vraiment tout pour détacher Gide du communisme, etc., etc. Et jusqu'à 2 heures du matin, ce ne fut qu'une longue et terrible discussion où vraiment Alix fut aussi fanatique, aussi butée qu'il est possible de l'imaginer. Il fallait sa visible détresse, son désarroi, pour tolérer tout ce qu'elle disait, attaquant Gide sur tous les points, même sur sa dédicace à Dabil, affirmant des choses qu'elle ne savait pas, et s'en prenant à Pierre pour n'avoir pas déclaré que Gide ne disait pas la vérité, et à moi parce que j'avais une mauvaise influence sur lui, enfin ayant complètement perdu la tête. Quant à Groot, effrayé de sa violence, il déployait toutes ses ressources pour brouiller la discussion et rendre tenable la position désespérée d'Alix. C'était touchant et un peu irritant. Ce matin, Pierre et moi essayons en vain de raconter la soirée à Gide. Le diapason de la scène d'hier est irrendable et elle est évidemment un reflet de l'attitude du parti. Francis Ponge, quelle a été l'attitude et le rôle de Bernard Grotuisen sous l'occupation, lui qui tout de même avait des liens à la fois sentimentaux et culturels très proches avec l'Allemagne? Avec l'Allemagne. Et vous savez que Goethe a été l'introducteur du domaine allemand, n'est-ce pas, en France. Enfin, c'est lui qui a introduit, notamment par l'intermédiaire de la revue Commerce, vous savez, dont il a été un des chevilles ouvrières, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, la revue Commerce qui a été fondée par la princesse Margaret Caetani de Bassianou, qu'on appelait la princesse de Bassianou, qui habitait à ce moment-là à Versailles, et qui donnait des réceptions brillantes avec un tas de gens tout à fait merveilleux et tout à fait très international. Il y avait des gens de tous les pays et de toutes sortes, n'est-ce pas? Eh bien, c'était soi-disant Paul Valéry, Léopold Fargue et Valérie Larbeau, je crois, qui étaient indiqués comme le comité, si vous voulez, de lecture de la revue de la princesse de Bassianou. En réalité, le travail a été fait par des gens, qui ne se montraient guère, mais comme Poyan, par exemple, aussi comme Grotuisen, qui pour le domaine allemand, c'est lui qui a fait publier dans le commerce, cette revue qui s'appelait Commerce au singulier, eh bien, je suis absolument sûr, pour des gens comme Kastner, n'est-ce pas, comme Berline, je suis sûr que c'est lui, même comme des gens comme Musil, n'est-ce pas, écrivain autrichien, qui ont été introduits en France par Gottwiesen, n'est-ce pas, ça sans aucun doute. Ce que je vais vous dire aussi, c'est une chose, c'est que la seule critique qui était écrite sur mon premier livre, qui s'appelle 12 petits écrits, l'a été par Gottwiesen. Et ça, pendant très longtemps, il n'y a eu que cette critique pendant très longtemps, puisque mon premier livre est de 1926, et que celui qui a suivi, le Parti Prédiction, est 1942. Par conséquent, pendant très longtemps, n'est-ce pas, je n'ai eu qu'une critique. C'était celle de Gottwiesen. Il était votre découvreur, alors? Oui, aussi, bien sûr. Non, j'étais ami avec Gottwiesen depuis le début, comme ça, depuis 24, ou 23 peut-être, et 24 sûrement, et puis jusqu'à la veille de sa mort. Enfin, je l'ai vu pendant l'occupation. Il est certain qu'il a passé des jours et des nuits entières à parler plutôt qu'à écrire, sans aucun doute. Des gens comme Malraux ont passé des nuits entières à discuter avec... Je crois que Malraux a dit qu'il n'avait jamais connu de personne plus intelligente. Jean-Toussaint-Dominique de Santi, le rapport de Bernard Gottwiesen avec André Malraux n'était pas le même que le rapport de Gottwiesen avec Gide, puisque Gide, depuis la fin du siècle précédent, avait déjà une notoriété tout à fait considérable. André Malraux, lui, appartenait à une génération différente. Il était, disons, par rapport à Gottwiesen, dans une posture de disciple. Beaucoup de témoins ont dit quelle était la part, justement, qu'André Malraux devait à Gottwiesen. Malraux le cite de temps en temps, mais au fond, il n'a jamais vraiment rendu très largement hommage à Gottwiesen. Et dans un dialogue qu'il avait eu avec Frédéric Grover, Grover l'interroge après la publication des Antimémoires, puisque André Malraux prépare la suite de Ce miroir des limbes, et il lui dit, dans les volumes à paraître, y aura-t-il des écrivains parmi vos interlocuteurs ? Pas nécessairement parmi les plus célèbres, mais peut-être au contraire des hommes qui ne sont pas totalement accomplis dans leur œuvre, comme Gottwiesen. On imagine un dialogue avec ce personnage légendaire et au fond inconnu que vous seriez admirablement placé pour faire revivre. Et Malraux répond « Remarquez que Gottwiesen a écrit une œuvre qui est relativement importante. » Donc il nous renvoie à ses textes. Mais il est bien certain, continue Malraux, que ses livres ne le représentent absolument pas. Donc là, il est assez catégorique. Oui. Ne donne pas la moindre idée du rôle qu'il a joué indépendamment de son écriture. C'est vrai. J'ai en effet passé beaucoup de temps avec lui, mais c'est comme pour mes conversations avec Valérie, les reconstituer me donnerait énormément de mal, car je n'ai pas pris de notes. La comparaison, en tout cas, est flatteuse. Oui. Ben, écoutez, oui, mais je vous dirai quelque chose qui va peut-être beaucoup vous choquer, étant donné l'obscurité de l'un et la gloire de l'autre, je pense. Je suis convaincue, ayant connu Malraux et ayant beaucoup parlé de Groot avec Malraux, puisque nous l'aimions l'un et l'autre, je suis convaincue que Gottwiesen a donné à Malraux beaucoup plus que Valéry n'a pu lui donner, car avec Valéry, il parlait de poésie et de forme, mais avec Gottwiesen, Malraux parlait de ses obsessions, c'est-à-dire l'action, la gloire, l'écriture, la mort. C'est les thèmes qui revenaient constamment, l'amour dans sa tragédie. Vous avez cité Dominique de Santi, la condition humaine, le personnage de Gisors. Oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir également dans les dialogues de la voix royale, justement, où reviennent cette obsession à la fois du rapport de l'action, de la oui. mort, au fond, certains dialogues qu'il a pu avoir avec Bernard Grotwiesen, Jean-Toussaint de Santi? C'est possible, c'est possible. De toute façon, Grotwiesen avait l'art de susciter chez ceux qui l'écoutaient leur imaginaire. C'est exactement ça. Alors, je suppose que, ce sont des conjectures, bien entendu, que Malraux n'y a pas échappé. Et que le seul fait d'avoir devant soi cet homme qui constamment vous sollicitait, qui constamment faisait en sorte que votre train de pensée aille au-delà de l'instant présent, au-delà de ce qu'il y avait d'explicite, ben je crois qu'il ne pouvait pas ne pas intérioriser tout ça et ne pas le rendre à un moment donné, sous une forme ou sous une autre, dans sa propre écriture. Mais c'est une question de fréquence des entretiens. Ben je ne sais pas quelle était exactement. Il y a eu un moment où ils étaient quotidiens parce que les Malraux, Clara et André, habitaient rue Campagne Première. C'était le moment de leur pire querelle et que par conséquent, et l'un et l'autre venaient dans l'atelier de Groot pour expliquer l'impossibilité de communiquer, l'impossibilité de se séparer, la nécessité de se séparer, etc. Et Groot, qui n'admettait pas la passion dans sa propre vie, était obligé de prendre parti dans la passion des autres. De même, Jean Paulhan et sa première femme habitaient également ce même immeuble de la rue Campagne Première, et la mère des enfants Paulhan, Salah, et Jean Paulhan venaient également expliquer leur passion et leur désir de liberté chez Paulhan, l'amour persistant chez la femme, et c'était à Groot et à Alix d'essayer de faire comprendre à chacun des interlocuteurs ce qui leur restait en commun et ce qu'il faudrait qu'ils fassent, sans jamais donner un conseil, parce que c'était pas dans leur style de donner un conseil. Donc, il fallait susciter un dialogue au bout duquel l'interlocuteur puisse prendre une décision au moins momentanée qui le sortent de l'angoisse et du désespoir. Et c'est à ça qu'ils ont passé beaucoup de leur temps, Groot et Alix. Grotwiesen, étant donc d'origine allemande, était donc directement en contact avec des Allemands qui fuyaient l'Allemagne hitlérienne. Ah oui. Et il a servi, je crois, d'intermédiaire également pour mettre en contact André Malraux avec un certain nombre de ces Allemands immigrés, notamment de ces Juifs allemands immigrés. Et ça a été le cas, par exemple, de Manès Perber, qui, lorsqu'il est arrivé en France, ne parlait pas français et donc a eu ses premiers contacts avec Malraux, qu'il a continué d'ailleurs à voir jusqu'à la mort d'André Malraux, par l'intermédiaire de Grotwiesen. Et c'était Clara Malraux qui faisait les traductions également de ces conversations qui se passaient moitié en allemand, moitié en français. Une surprise m'attendait à Paris, les éditions Gallimard, à qui j'avais avant mon départ pour Londres envoyé mon manuscrit de 550 pages intitulé « Caractérologie sociale », m'informaient qu'elles prenaient le livre et le publieraient en français aussitôt que possible. Un historien et philosophe allemand, d'ailleurs peu connu en Allemagne, Bernard Grotwiesen appartenait à l'équipe des collaborateurs de la revue et des excellents auteurs dont Gallimard s'était entouré. Il était en France lorsqu'éclata la Première Guerre mondiale. Il avait été interné en tant que ressortissant d'un État ennemi, puis assigné à résidence dans une ville de province. Ainsi, il s'habitua si bien à vivre dans un pays étranger qu'en définitive, il s'installa tout à fait à Paris peu après la fin de la guerre. Pendant de longues années, et jusqu'à sa mort, il fut à la NRF beaucoup plus qu'un conseiller pour toutes les questions concernant la littérature allemande, la philosophie et la psychologie. Il devint peu à peu le Socrate de ce cercle exigeant. À ce rôle convenait parfaitement le fait qu'au milieu de tant de gens qui pratiquaient assidûment l'art d'écrire, il écrivit lui-même très peu et publia encore moins. Il était occupé à la préparation d'un ouvrage d'histoire sociale qui, répétait souvent et volontiers ses admirateurs, serait d'une importance extrême et exercerait une action durable. Groot, c'est ainsi qu'avec respect et sympathie on l'appelait à l'NRF, était un homme de belle prestance, accordé au ton tranquille et assuré de son discours et à la qualité des gestes qui l'accompagnaient. La seule chose qui frappait dans sa personne, c'était sa barbe poivre et sel, car on n'en voyait de pareil nulle part à la ronde. Dès notre première rencontre, Groot me parlait de mon manuscrit avec compétence et amabilité. Son approbation me fit du bien, car en dehors du cercle de mes amis les plus intimes, il était mon premier lecteur. Avant que je le quitte, il m'avait présenté à Brice Parrain, avec lequel je discutais les détails du contrat. Manès Perber, Au-delà de l'oubli. Oui, mais Manès Perber c'était sans doute l'un des plus remarquables, mais ce n'était pas le seul. Je crois que tous les intellectuels allemands fuyant l'Allemagne hitlérienne passaient par l'atelier de la rue Campagne Première, qui était comme une sorte de plaque tournante. Et alors, quelquefois, Groot pensait qu'il fallait présenter telle personne à Gide et d'autres à Malraux, et puis ça accrochait avec l'un ou avec l'autre. Et de même, pendant la guerre d'Espagne, j'ai l'impression que l'atelier de la rue Campagne Première a été un relais extrêmement actif. Et après, les républicains espagnols sont également passés, il y a eu comme ça les couches successives d'exilés politiques qui passait par l'atelier de la rue Campagne Première, ce qui explique que les journées et les nuits de Groot et d'Alix étaient, je ne dirais pas données aux autres, mais prises par les autres. Témoins à propos de Bernard Grotwiesen à l'époque des années 30 ou des années 40, au fond pensaient qu'il y avait une grande œuvre de Bernard Grotwiesen, une grande œuvre théorique qui était en cours d'élaboration et qui changerait quelque chose dans l'histoire de la pensée moderne. Or, cette œuvre a-t-elle existé ou était-elle simplement un projet ? C'était un projet qui ne le quittait pas. Yvon Bellaval, professeur de philosophie à la Sorbonne. Mais jamais il ne se mettait au travail, parce qu'il était tellement amoureux des idées, qu'il avait toujours des idées nouvelles, des livres qu'il n'avait pas lus, il était pris par cela. D'autre part, il y a tellement des exploiteurs, surtout à Paris, qu'il se livrait à n'importe qui, et il perdait son temps pour les autres, pas pour lui. Tout cela l'a retardé. Maintenant, nous disons ça après coup, mais on ne le sait jamais dans le fond des choses. Pourquoi un homme ne finit pas une œuvre que l'on dit, c'est pas toujours lui qui le disait, qu'il avait un esprit et qu'il allait donner. Il est sûr qu'il avait cela, un esprit. Mais de là à la réaliser, il y a toujours un abîme. Un auteur trouve, surtout quand c'est un bon auteur, toujours en lui des difficultés qui deviennent insurmontables, parce que les sujets sont immenses. Et en effet, ça a été une déception à sa mort de voir qu'au fond, il avait peu publié par rapport à son immense talent, par rapport à ses connaissances sans fin, tout cela, il avait pu publier, et en revenant toujours sur les mêmes idées. Certains ont incriminé sa volonté d'être marxiste. Je ne vois pas pourquoi ça l'aurait gêné, d'autres ont écrit. Ça lui a permis, par exemple, d'écrire sur Rousseau et sur Montesquieu des pages qui sont de premier ordre et qu'il n'aurait pas écrit s'il n'avait pas été marxiste, c'est-à-dire s'il n'avait pas eu une perspective qui, justement, Discipliné peut-être, son côté un peu vagabond, par de naissance peut-être, par curiosité, mais aussi parce qu'il était d'une période, quand il s'est formé, n'oubliez pas ces dates, il était né en 80, où se formait avec les Weber, avec les Diltai surtout, qui a été son maître, ce qui deviendra l'existentialisme. Et je vous rappelle que avait paru, avant 14, lui déjà, le traité de psychologie pathologique de Jaspers, qui a été traduit en français après, vers 1927, des dates comme ça. Et on ne remarque pas assez, derrière le nom du traducteur en gros caractère, Mandouze, que Mandouze remercie les véritables traducteurs qui comprenaient Jean-Paul Sartre, élève de l'école normale. Or, c'est dans ce traité de Jasper qu'on trouve cette différence entre expliquer et comprendre, qui est exposée avec la plus grande clarté. Et cela a envahi toute la philosophie française. Mais alors, Yvon Belaval, le paradoxe, c'est que cet homme, Bernard Grotthuysen, qui est de culture allemande, qui connaît la philosophie allemande, qui, dans ce milieu de siècle, va prendre une telle importance, avoir une telle influence en France, qui, dites-vous, est au fond un peu à l'origine du développement de la philosophie existentialiste, va être complètement oublié d'une certaine façon après la guerre et va apparaître un peu comme un homme du passé par rapport à la philosophie sartrienne. Eh oui, mais parce que les marxistes n'étaient pas existentialistes d'abord, il ne faut pas oublier ça. Donc ils ne pouvaient pas exploiter directement ce que lui avait appris Diltai. Il le fait indirectement, il l'avait fait surtout, car il faut ne pas confondre les dates où il a écrit ses ouvrages. C'était généralement quand il était professeur à Berlin, et jusque vers 1930-31, ça c'est les grandes choses qu'il avait écrites, et les dates de leur traduction, qui est beaucoup plus lointaine. Nous avons des livres comme « L'origine de la bourgeoisie », comme « La philosophie de l'histoire », etc. Toutes ces choses-là ont été publiées vers 57, bien plus tard. Et par conséquent, on était dépassé par rapport à l'histoire de l'homme. Vous voyez, ça, il y a une différence énorme. Mais il avait la culture qu'on pourrait appeler existentialiste. Il l'avait complètement. Ça, c'est certainement ça. Et ce qu'il a écrit, par exemple, l'anthropologie philosophique, c'était des cours que j'avais lus d'abord en allemand et qui avaient été publiés en 30-31, qui avaient eu plusieurs éditions en Allemagne. Mais il est parti pour fuir Hitler. Et on ne l'a connu en France que traduit. J'en avais fait le compte-rendu dans la Nouvelle Revue française, donc après 50, je ne sais plus à quelle date. Ça, c'est des choses qu'on a connues avec le décalage du temps. C'est comme quand on découvre un nouveau manuscrit de n'importe quel homme ancien. Vous voyez, c'est ça. On l'a dépassé. De telle sorte qu'il s'est trouvé plus vieux, j'entends, par ses productions, qu'il ne l'était réellement. Parce qu'on le voyait publier des choses qui étaient de 1930 comme esprit, et non pas de 1940. À mon avis, c'est ça qui le décale. Oui. Car Grotthuysen, on ne le connaissait que quand, par hasard ou autrement, on était avec lui, qu'on l'entendait parler. Mais il ne publiait pas un livre chaque année, il ne publiait pas d'ouvrage. De temps en temps, un article, mais pas d'ouvrage à proprement parler. Et c'est après sa mort que Jean Paulhan a publié des choses prêtes, comme le Jean-Jacques Rousseau, comme le Montesquieu, comme la philosophie de la Révolution française. C'est après que ça a été publié. Mais alors, là encore, nous revenons à cette espèce de décalage dans le temps, comme, évidemment, il y a toujours une pensée actuelle qui se donne pour la seule vraie. Vous savez que c'est comme ça. C'est les présents qui ont raison et les absents qui ont tort. Et il a pâti de cela aussi. Mais en effet, il y a la disproportion entre l'oral et l'écrit, si je puis dire, chez lui. Et quand on l'entendait, on ne pouvait être qu'admiratif et stupéfait de son savoir, de son intelligence, de sa bonté, parce que tout cela était ensemble. Vous comprenez, c'était un homme d'un seul bloc, on peut dire, n'est-ce pas, où il y avait toutes les qualités morales, toutes les qualités intellectuelles, on avait tout avec lui. Et on n'avait pas en face une bibliothèque. Grotthuysen, dans le livre qu'il préparait dès avant la guerre sur le caractère allemand, cherchait à montrer que l'allemand composé de deux extrêmes, une âme et un automate, ne parvient presque jamais à remplir l'espace intermédiaire, communément et simplement humain. De Parsifal au Pas de Loi, tel devait être le titre de cet ouvrage. C'était Parsifal qui parlait. Je me souviens particulièrement de ce qu'il me disait de l'Amérique qui, prétendait-il, n'a point d'âme et n'a point mérité d'en avoir parce qu'elle n'a pas, jusqu'à présent, consenti à plonger dans l'abîme de la souffrance et du péché. Certaines de ces théories et celles même auxquelles je me rattachais le plus volontiers me paraissaient si contraires à l'esprit de la race juive que je ne pus me retenir de marquer mon étonnement. Il n'y répondit pas directement, mais prenant la question de revers et par un long détour, « Avez-vous remarqué, me dit-il, que lorsque certaines qualités sont trop profusément, ce n'est pas le mot dont il se servit, sont trop profusément éparses dans un peuple, dans une race, cette race, ce peuple ne parvient pas à produire un individu en qui ces qualités se trouvent très particulièrement concentrées. En Italie, par exemple, s'il n'y a pas de grands musiciens, c'est que tout le monde est musicien. L'Allemagne, par contre, au temps de Bach, n'était sans doute pas très communément musicienne. C'est bien là ce qui permit Bach. » Et brusquement, il s'arrêta, me laissant conclure. Certainement, il voulait me donner à entendre que certaines qualités n'étaient pas moins spécifiquement juives pour ne se trouver point éparses dans tous les représentants de sa race et que ces qualités précisément étaient celles que je m'étonnais à tort de rencontrer en lui. André Gide, Journal. Yvon Mélaval, Bernard Grotwiesen semblait surtout en contact avec des écrivains, je veux dire des auteurs littéraires, comme par exemple André Malraux, comme Jean Paulhan. Mais quel a été le rapport de Grotwiesen avec les philosophes de son époque? Les philosophes allemands, il est facile de répondre, bien entendu. Les philosophes français, il n'est pas facile de répondre. En effet, ils n'avaient pas de contact avec la philosophie académique, si vous voulez, n'est-ce pas? Et il cherchait la philosophie plus librement, comme le lui avait enseigné Diltaï. Parce que la philosophie académique, puisque je viens d'employer cette expression, c'était, en Allemagne, comme en France, des programmes d'examen assez limités. C'était limité à des textes dits philosophiques depuis, pour l'Allemagne, depuis le 18e siècle, mais surtout le 19e siècle, avec l'historicisme, etc. Pour la France, on partait de Descartes, vous le savez, c'était toujours le même texte qui revenait. Mais on ne se mettait pas à méditer sur un tableau, par exemple. Ça, c'était le Diderot en tant qu'homme de lettres, mais pas en tant que philosophe pour nous, n'est-ce pas? On ne méditait pas sur les choses de la vie courante, etc. Non. Tandis qu'au contraire, avec Diltaï, Grotwiesen avait appris à inclure dans une réflexion vraiment philosophique des sujets qui n'étaient pas encore reconnus comme philosophiques. Depuis, ça a changé, depuis la mort de Grotwiesen, puisque, mon Dieu, tous les philosophes actuellement se sont occupés qui d'un musicien, qui d'un peintre, surtout les peintres, et ainsi de suite. Mais ce n'était pas la mode. Vous voyez pourquoi Grotwiesen surprend quand il était là entre 30 et 40. La philosophie française était académique. C'était Brunswick, c'était Alain est mal choisi parce qu'il s'est occupé de Valéry. Mais enfin, tout de même, c'était Henri IV. C'est Henri IV. Ce n'était pas la même orientation. Lui, il avait déjà, quand il est venu en France, une ouverture sur les lettres. Jean Tardieu, à 19-20 ans, avant même d'avoir publié vos premiers poèmes, puisque le fleuve caché date de 1933 seulement, c'est-à-dire en 1922-23, je crois, vous avez participé à votre première décade de Pontigny, où étaient Gide, Martin Dugard. Est-ce que c'est dans le cadre de l'une de ces premières décades de Pontigny en 22-23 que vous avez rencontré pour la première fois Bernard Cottuisen? Je ne saurais pas préciser si c'est cette année-là, parce que j'y suis allé plusieurs années de suite, mais c'est effectivement dans cette période, dans ces années-là, que j'ai rencontré Bernard Grothuysen à Pontigny avec sa femme Alice Guilin. Quelquefois, elle ne venait pas. Quelle était l'atmosphère de ces échanges de Pontigny? Ah, moi, c'était une chose exaltante pour un jeune homme comme moi, qui avait forcément, malgré toutes ses aspirations romantiques, avait encore un horizon très étroit, et qui se trouvait confronté comme ça, tout d'un coup, avec tout ce qu'il y avait de plus merveilleux dans la société culturelle européenne, et dans la société culturelle, n'est-ce pas, avancée. Et nous avions le sentiment d'un élargissement de notre horizon, de notre vie intellectuelle, et planétaire, puisque nous rencontrions des grands esprits venus de tous les bords et de tous les pays. Alors Gide régnait probablement à cette époque sur ces décades, et quel était exactement le rôle de Grothuysen? Le rôle de Grothuysen a toujours été le même, c'était vraiment, sa personnalité faisait penser immédiatement à ce qu'on peut imaginer de Socrate, c'est-à-dire l'homme à qui on peut poser des questions infinies, mais qui vous les renvoie sous forme d'autres questions qui font avancer la connaissance. Et qui était non seulement accueillant et d'une intelligence extraordinaire, mais d'une très grande bienveillance. C'est ça qui est une bienveillance non exempte d'humour et même d'ironie. Jean Dardieu, vous alliez voir Bernard Grothuysen dans son bureau des éditions Gallimard? Ah oui, sûrement. C'était un peu un cénacle qu'il tenait là? C'est pas un cénacle parce qu'il n'a jamais... c'était un tempérament tellement... familier et simple, qu'il ne pérorait pas dans un groupe, n'est-ce pas? C'était vraiment plutôt ce qui était sa spécialité, c'est le tête-à-tête en conversation en profondeur, n'est-ce pas? Non pas de façon ni officielle, ni en le compte, mais avec beaucoup d'intimité et avec même beaucoup de grâce, car c'était un homme qui souriait beaucoup, qui riait même, et qui avait une égalité d'âme prodigieuse au milieu de cette période abominable. Bernard Grothuysen, qui était un philosophe, semble-t-il, a été, dans les années 30, finalement, surtout en rapport avec des écrivains, et parfois d'ailleurs de jeunes écrivains. Alors vous étiez poète, quelle était sa démarche de lecteur de la poésie ou du roman? Du roman, je le sais moins, mais comme lecteur de poète, il avait une très grande acuité de jugement, un très grand sentiment de la poésie. Et il est de ces esprits à génie métaphysique, mais qui donnent une importance, même dans leur système, à la poésie presque comme moyen de connaissance. Il partage ce privilège avec d'autres grands esprits, comme Heidegger, ou en France, comme Bachelard. De sorte que la poésie lui était toujours familière, même la plus récente, les jeunes pouvaient lui apporter des poèmes, il voyait tout de suite ce qu'il y avait de bon ou de pas bon, et il vous conseillait avec une sûreté extraordinaire. Vous lui avez apporté vos poèmes? Je lui ai apporté des poèmes, ainsi qu'à Poland, et les choses se décidaient alors plutôt en trio. J'ai eu comme ça des moments de terreur, où j'étais, de terreur affectueuse, où j'étais confronté à ces deux personnages très difficile dans leur goût, et où j'avais affronté, mais les deux étaient pleins d'affection et de gentillesse. Poland était plus inquiétant, tandis que Grothuysen enveloppait toujours, même ses critiques, d'une grande douceur. Jean Dardieu, vous avez beaucoup vu, je crois, Bernard Grothuysen et sa femme Alix Guilin pendant la période de l'occupation. Alors, quelle était exactement la situation de Grothuysen, qui probablement n'avait pas pris la nationalité française et se trouvait donc particulièrement menacé, ayant quitté l'Allemagne à l'avènement du nazisme? C'était une situation d'homme, je ne dirais pas traqué, mais qui se cachait plus ou moins. Je dois même dire que pendant les dernières années de la guerre, Nous avons eu l'occasion de le cacher tout à fait dans une petite maison de campagne où vivait ma mère et où on n'aurait pas pu le... Il aurait été difficile de le trouver. Je ne sais pas à quoi ça correspondait. Je sais que par moments, il sentait rôder plutôt l'intérêt ou la curiosité de tout le tel Allemand qu'il a... qui avait peut-être été son élève et qui se trouvait à Paris, peut-être sous l'uniforme allemand, et c'était une chose à éviter, n'est-ce pas? Et même si il s'agissait de quelqu'un qu'il admirait et qui ne voulait pas lui faire de mal, mais c'était tout de même dangereux. Malgré des circonstances aussi abominables, il restait, son idéal restait tellement au-dessus de ce qui se passait qu'il restait un Européen, avant tout, un grand esprit de la culture européenne. D'ailleurs, par ses origines, il était en partie russe, en partie hollandais, en partie français. Et il a continué à jouer ce rôle, ce qui est tout à fait merveilleux et exemplaire. J'ai eu la chance à ce moment-là, tout de suite après la guerre, de l'aider à travailler un petit peu, parce que je ne veux pas dire de mal des gens qui l'employaient, mais je crois qu'il n'était pas très richement rétribué. Et alors j'avais pensé, je lui avais proposé, il avait accepté de faire une série d'émissions dans le service que je dirigeais à ce moment-là, qui était le service dramatique de la radio. Et nous avions conçu l'idée d'une série d'émissions faisant le tour de tous les dialogues existants dans la littérature mondiale, depuis Platon jusqu'à Valéry ou Paulin. C'est un sujet immense et magnifique. Tout à fait pour lui, parce qu'il y a beaucoup de dialogues qui sont de tournure philosophique ou d'inspiration philosophique. Alors, cette série qui s'appelait Graines de drame, qui était mise en scène par Bronislav Horowitz, avec beaucoup de goût, a été une chose assez extraordinaire, parce qu'il arrivait à faire des choix très symptomatiques de grandes œuvres, soit de Platon, de Plotin, et à les présenter. Ça se passait donc en deux ou trois émissions, et avec des préfaces très courtes, mais extraordinaires. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de moyens ni pour reproduire les choses, ni pour les conserver. C'était encore les tout débuts de la radio. Et Alix Guilin tapait comme elle pouvait les textes de Grotuizen, en un ou deux exemplaires, il n'y en avait pas beaucoup. Et j'ai le désespoir d'apprendre que ces textes-là se sont perdus. Et si on avait fait le choix, si on avait réuni toutes ces préfaces qui étaient comme une anthologie du grand dialogue littéraire et philosophique à travers l'histoire, on aurait eu quelque chose de tout à fait étonnant. Et comme toujours, lisible par tout le monde, à la fois inspiré et précis. Ces écrits français sont magnifiques, ce sont quelquefois des œuvres courtes, des dialogues. Il a beaucoup étudié Saint-Augustin, n'est-ce pas? Cet esprit qui touchait d'un côté au marxisme et d'autre part à des préoccupations, à un très vif intérêt pour les mystiques, pour les grands mystiques du Moyen-Âge, par exemple. Quand il parlait d'eux, la forme de son écriture n'était pas du tout didactique, mais quelque chose d'inspiré, et restant en même temps très simple, le langage que tout le monde pourrait connaître. Thank you. Jean Toussaint de Santy, dans votre essai « Un destin philosophique », vous racontez comment le choc que vous avez éprouvé au moment de la grande rafle du Veldiv a été déterminant pour votre propre engagement dans la résistance et également engagement de Dominique de Santy. Est-ce que d'une certaine façon, Grotuisen a été aussi pour quelque chose dans cet engagement? Dans la forme qu'a pris l'engagement, sûrement, comme le disait tout à l'heure Dominique, n'est-ce pas, l'influence d'Alix et de Grotte a été presque décisive pour nous engager vers le parti communiste. Ah, pour moi, tout à fait décisive. À la fin 42. Et pourtant, dans le cas de Grotte-Wiesen, il n'a lui jamais rejoint le parti communiste. Non, il n'a jamais été communiste. Mais Alix avait elle-même son propre rayonnement qui était fait de cette intransigeance absolument tranquille. C'était extraordinaire. Ah, c'était l'ange intransigeant. L'ange intransigeant. Alors, bon, on avait confiance en elle. Mais comment se passait ce rapport entre eux sur ce plan, je dirais, idéologique tout de même, cet engagement militant de la part d'Alix et au contraire le retrait du côté de Bernard Grotte-Wiesen? Ça n'était pas exactement un retrait. Je ne peux pas dire que Grotte excusait Alix de ses engagements, pas du tout. Je crois qu'il l'approuvait tout à fait. Mais il pensait que, au fond, il pouvait lui faire autre chose. Hein? Il pouvait peut-être convaincre autrement. Mais je crois qu'il partageait fondamentalement, non pas ses choix politiques immédiats, mais sa vision du monde. Il partageait aussi sa vision de l'Union soviétique. C'était cela qui était assez étrange, pour nous maintenant, mais ça ne l'était pas à l'époque. Pour nous, à partir de 1942, que Grotte ait partagé cette vision de l'Union soviétique d'Alix, ça commençait à nous paraître tout à fait naturel. Oui, alors ça... Quelle a été sa réaction lorsqu'il a appris votre engagement dans le Parti communiste clandestin? Ah ben, il était très content. Il était vraiment très content. Alix était ravi. Elle savait bien la part qu'elle y avait. Elle trouvait ça tout naturel, d'ailleurs. Et si vous voulez, alors, Alix est quelqu'un... qui m'a dit, avec toute sa foi et toute sa force de conviction, ben, les procès de Moscou, tu comprends, c'était un moment de l'histoire. Ça ne peut pas se reproduire, ça. C'est le communisme de l'immédiate après-guerre civile. Et il ne faut pas voir l'avenir de l'URSS comme ça. Ce sont les sequelles du vieil homme, la fameuse liquidation du vieil homme qu'on n'a jamais fini de liquider. Même en soi, ce sont les séquelles du vieil homme. Le mot dictature lui était désagréable et pourtant on était dans la phase de la dictature du prolétariat. Ah oui, mais... Mais qu'elle pensait qu'il y avait deux dictatures, une mauvaise qui était la dictature fasciste et une bonne qui était la dictature du prolétariat. C'était le sens de sa remarque à Gide. Et elle ne voulait pas qu'on puisse confondre les deux. Voilà. Assimiler les deux. Voilà. Ce qu'il y a de très curieux, c'est que dans les dernières années de sa vie, car Alix Guilin est morte en 1950, c'est qu'elle avait les désaccords les plus formels avec le Parti communiste et même avec les membres de sa cellule de base. Et elle me disait, mais tu comprends, moi, je ne dis rien parce que je ne veux quand même pas mourir exclu. Ce qui, à l'époque, me faisait beaucoup rire. Alix ne veut pas mourir exclu. Et elle me disait, que veux-tu, ma génération reste toujours un peu anarchiste. Et ça m'amusait également beaucoup parce qu'effectivement, elle était profondément une anarchiste parce que, bon... Depuis très longtemps, le Parti communiste voulait que les familles communistes soient des modèles, que par conséquent on soit marié, qu'on ait des enfants, etc. C'était pas du tout. Il y avait un certain puritanisme. Oui. C'était pas du tout la vision du monde d'Alix. Je ne suis pas sûre qu'elle ait été très libertine, mais elle était assurément très libertaire. Et certainement, l'embourgeoisement du Parti communiste était pour elle quelque chose de tout à fait incompréhensible, mais encore une fois, elle pensait que c'était une phase. Jean Toussaint de Santy et Dominique de Santy, Bernard Grotte-Wiesen, qui a eu pendant les années 30 une certaine aura intellectuelle et a joué auprès peut-être de deux générations un peu le rôle de maître à penser, a laissé une œuvre philosophique qui est composée de quelques livres, un essai sur Montesquieu, un essai sur Rousseau, et puis un ensemble de livres qui comprend l'anthropologie philosophique, la philosophie de la Révolution française et également les origines de l'esprit bourgeois en France. Alors, est-ce que on peut dire que il y a, comme le fait d'ailleurs dans la préface de l'un de ses textes, Henri Méchonic, une unité de démarche philosophique à travers au moins trois de ses textes, si ce n'est les cinq livres, Jean Toussaint Le Senti? Je crois qu'il y a une unité et que cette unité, c'est une unité de projet. Comprendre le mode de formation de l'homme moderne. L'homme moderne, au moment où, comme le pensait Grout, l'homme bourgeois s'est achevé et un autre homme doit naître, une autre humanité. Donc, c'est, si l'on veut, un projet qui consiste à découvrir le sens d'une histoire dont on vit l'épanouissement, le point d'arrivée. L'historicité de l'individu. De l'individu, de son intériorité, de ses projets, de ses modes de relation avec les autres individus, du mode de constitution des communautés, les unes transitoires, les autres stables, comme le sont les nations ou les classes sociales. Il essayait de comprendre tout cela. Et pourquoi essayait-il de comprendre tout cela? Parce que pour lui, c'était là la tâche philosophique essentielle. Ben, il faut replacer tout cela, évidemment, dans l'histoire de la philosophie du temps, enfin, dans les exigences philosophiques du temps. Au moment où Grotthuysen accède à la philosophie, donc à la fin du siècle dernier, 1900, disons, c'est pas, il y a 20 ans, ben, quelle est la situation philosophique? Ben, d'une part, les grandes philosophies de l'idéalisme allemand, Fichte, Schelling, Hegel, sont épuisées. Elles sont épuisées déjà depuis 50 ans. D'autre part, le retour que certains des philosophes allemands, qui étaient les maîtres de Grout ou contemporains de ses maîtres, des gens comme Cohen, comme Natorp, comme Rickert, etc. Ce retour au kantisme paraissait comme quelque chose d'un peu sec, quelque chose de désincarné. À vrai dire, comme un refuge de technicien. Alors, à côté de ce mouvement-là, il y a eu l'immense mouvement, l'immense ébranlement produit par Nietzsche. Et il y a eu en Allemagne l'essor, sous l'influence de Diltay, précisément, de ce qu'on a appelé, de ce que Diltay a appelé lui-même, les sciences de l'esprit. Sous ce mot, science de l'esprit, on essayait de désigner le mouvement de pensée engagé dans l'histoire, propre à en produire la compréhension, est propre à écarter, pour toujours, pensait-on, la tentation des grands systèmes. En somme, le projet philosophique changeait de terrain. Il n'avait plus pour terrain le système philosophique, mais il avait pour terrain le mode d'éducation de l'homme par lui-même dans sa propre histoire. Bon, bien, Grout, il a choisi lui-même ce parti de travailler à la compréhension et à la genèse des modes de compréhension de l'homme par lui-même. Bon, ce qui ne va pas sans quelques présupposés. D'abord, se présupposer, et c'est en cela qu'on pourrait dire qu'il est dans la mouvance du marxisme, se présupposer que les hommes font leur propre histoire, qu'ils sont à la fois les sujets de leur histoire et les objets de leur histoire. C'est-à-dire, les sujets en tant qu'ils la font, en tant tant qu'ils agissent, et les objets en tant qu'ils sont ce produit. L'homme, c'est indissolublement l'acteur et le produit de l'action. L'homme dans toute sa valeur et le peuple en tant que personne morale deviennent pendant la Révolution des notions vivantes, acquièrent un contenu affectif. L'homme réclame ses droits parce qu'il est devenu conscient de sa nature d'homme et il revendique ceux du peuple parce que sa vie est intimement liée à celle de la communauté. L'homme naturel, la nature de l'homme n'est plus une abstraction. Le peuple n'est plus une construction logique de la jurisprudence. Les formes de droit créées par Rousseau et son attitude affective vis-à-vis de l'homme et du peuple ont trouvé leur unité. La Révolution française a une conception téléologique de l'État et l'a unie à l'idée du droit. Le but de toute organisation sociale, c'est le droit. La Révolution exige qu'il n'y ait rien dans la vie de l'État qui ne soit fondé sur le droit. Reprenant chez Montesquieu l'idée d'une structure téléologique de l'État, elle donne comme but à la société nouvelle de satisfaire aux revendications du droit. Philosophie de la Révolution française. Pascal Lainé, vous n'êtes pas seulement un romancier, vous êtes philosophe de formation. D'ailleurs, on le sait depuis votre premier roman, Les Révolutions. Vous n'avez bien entendu pas connu Bernard Canguilhem, qui est mort peu de temps après la guerre. Est-ce que pour les gens de votre génération, les philosophes de votre génération, Canguilhem était un homme tout à fait oublié comme philosophe? Vous m'avez qualifié à juste titre de philosophe, c'est ma première formation. Et précisément, c'est peut-être à cause de Canguilhem que je le suis devenu. Pendant que je faisais mes études de philosophie, en Hippocagne, c'était donc en 59, et je me destinais à devenir historien, croyais-je. Et je commençais par ce qui correspondait au programme de l'Hippocagne, et donc par la Révolution française. Alors, j'avais lu tout ce qui m'était tombé systématiquement sous la main sur la Révolution française, en particulier des ouvrages d'historiens, à la manière d'autrefois, c'est-à-dire nous avions soit des historiens genre Malézac, très événementiels, de l'école en gros de Lavis, soit des marxistes, qui écrivait une histoire teintée d'idéologie, mais au fond aussi éloignée de l'histoire telle qu'on la pratique aujourd'hui, les uns que les autres. Et voilà que je tombe, par hasard, c'était au PUF, dans un rayon un peu poussiéreux, je tombe sur une édition déjà ancienne à l'époque, elle avait au moins quelques années, de Philosophie de la Révolution française. Alors j'achète à tout hasard ce livre, et bien m'en a pris. Ça a été une véritable révélation, me disant à la lumière de cette lecture que je devais me donner une formation de philosophe précisément telle qu'elle ressortait à travers le texte de Canguilhem pour mieux appréhender les problèmes et la matière de l'histoire. Alors Canguilhem a eu pour moi essentiellement une influence pédagogique dans un premier temps ou méthodologique. Une influence négative finalement, puisque à cause de lui ou grâce à lui, je ne sais pas, je ne suis pas devenu historien, mais philosophe. Alors j'imagine que vous intéressant à l'histoire de la Révolution et à l'histoire des idées du XVIIIe siècle, vous aviez lu d'autres historiens ou d'autres philosophes sur cette période. Alors quelle était l'originalité de la philosophie de la Révolution française, de son étude de Montesquieu, de son étude de Rousseau, par rapport justement à ce qui avait déjà été publié sur les idées du XVIIIe siècle? Canguilhem, ça n'est pas du tout l'histoire des annales, ça n'est pas du tout les nouvelles méthodes historiques, c'est quelque chose de complètement différent. Mais on peut déjà appeler ça l'histoire des mentalités. La philosophie de la Révolution française, ce par quoi j'ai découvert Grotewiesen, ce par quoi je suis devenu philosophe, c'est quand même une tentative, c'est quand même un essai de philosophie de l'histoire, de philosophie totalisante, comme aurait dit Sartre. C'est-à-dire cherchant à inclure, à englober un objet particulier, aussi important soit-il, la Révolution française, dans une vision d'ensemble de l'évolution humaine. Le cas de Grotewiesen me fait penser un peu au cas d'un Philippe Ariès, par exemple. Philippe Ariès écrit avant tout le monde son histoire des populations françaises. Je crois que sa thèse a été soutenue en 1949, donc c'est un ouvrage qui a été composé pendant la guerre et qui est à peu près contemporain justement des ouvrages de Grotewiesen. Et ils correspondent à un mode, ou peut-être même une mode de pensée, qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc on peut considérer qu'ils ont presque 40 ans d'avance sur les modes. Et dans un pays, le nôtre, dans une culture où la mode, malheureusement, a énormément d'importance. De quoi s'agit-il pour lui ? Il s'agit de déchiffrer. Il s'agit de déchiffrer les productions qu'on appelle des productions de culture. De les déchiffrer de telle sorte que, premièrement, on éclaire bien leur genèse historique. Et que, deuxièmement, et c'est là le plus important, on donne à partager leurs valeurs. Par exemple, il parle de Saint-Augustin. Il a écrit ce livre. Alors, dans l'anthropologie philosophique, au fond, il retrace un très vaste itinéraire de méditation de l'homme sur lui-même, qui va de Platon à Montaigne. C'est ça. Alors, on pourrait dire, l'anthropologie philosophique, on pourrait dire, c'est une histoire de la philosophie faite d'un certain point de vue. Mais il y en a des tas d'histoires de la philosophie faites d'un certain point de vue. Elles sont toutes faites d'un certain point de vue. Je ne dirais pas que c'est une histoire de la philosophie. Je dirais que c'est une genèse de l'intériorité de l'homme. Ce que ça s'achève par Montaigne, c'est un signe. Montaigne marque cette coupure. Après ça, il va falloir faire autre chose. Montrer précisément la formation de l'esprit bourgeois. Je veux dire, l'anthropologie philosophique, c'est la mise en mouvement du travail qui va suivre. Alors, il y a des points forts. Bon, il y a, bien entendu, Platon, Aristote, c'est bien connu. Mais Saint-Augustin. Bon, pourquoi Saint-Augustin ? Ça, c'est très important pour la philosophie de Grotewiesen lui-même. Saint-Augustin a écrit les Confessions, entre autres. Dans les Confessions, il y a un texte absolument merveilleux qui concerne le temps. Ce texte qui concerne le temps concerne le récit. Car ce que nous dit Saint-Augustin à propos du temps, il dit « du temps, je ne peux pas en parler ». Et lorsque je veux voir ce qu'il est, il me fuit. Mais je peux remémorer, je peux raconter, je peux découvrir dans le temps intérieur qui me sépare de ma naissance des temps forts. Je peux les faire surgir, les montrer, me les raconter, les faire partager à d'autres. Et c'est ça, finalement, qui constitue l'expérience intérieure du temps. Donc, on dira, Saint-Augustin, moment fort dans cette histoire, parce que se trouve livré à l'homme et montré à l'homme, disons, la manière d'être de son expérience intérieure qui est inséparable de sa mémoire, donc du temps. La Renaissance. Et là, il a eu le grand mérite d'attirer l'attention sur Boile, n'est-ce pas, Carolus Bovinus, à tel point que Jean Val, je me rappelle, le jour où nous l'avions vu à ce café, disait, oui, Grotewiesen a écrit Carolus Bovinus, mais je crois que c'est quelqu'un qui l'a inventé. Je crois que Grotewiesen l'a inventé. Non, il ne l'avait pas du tout inventé. Mais qu'est-ce qui l'intéresse, là ? Et en quoi est-ce important pour lui ? Bien en ceci que la distance de l'homme à Dieu est alors marquée. Dieu comme créateur absolu du monde à partir du rien. Voilà un problème. Quel est cet abîme qui sépare l'homme, finalement, aux yeux de Gauthuysen, de sa création, qui est Dieu? Parce que Gauthuysen, Dieu, c'est une création de l'homme. C'est le nom d'une certaine forme de pensée humaine, d'une projection humaine. Alors comment se fait-il que le rapport se trouve inversé et que ce soit l'homme qui se trouve à distance de ce Dieu auquel il donne l'être? Voilà la question. Encore un autre temps fort, etc. Troisième temps fort, Montaigne. Bien, Goethe, tout le long de sa méditation philosophique, a toujours cherché ces temps forts, c'est-à-dire ces moments où une situation, soit culturelle, soit spéculative, se noue. Le moment où on ne peut pas faire l'économie de la formulation d'un certain nombre de problèmes, sous peine de renoncer à l'exercice de la pensée et de retomber. Et il a bien été sensible à ce phénomène qui est le propre de l'histoire. C'est qu'il y a dans l'histoire des périodes que l'on peut appeler des périodes plates, des périodes où les choses semblent rester en l'état, des périodes répétitives pendant lesquelles règnent les maîtres qui ont dit ceci et cela. Et alors, le fait qu'ils aient dit ceci et cela est pensé ou ressaisi par les autres comme un ensemble de normes. Alors, tout est calme, tout est plat. Et puis, il y a des moments qu'on peut appeler des moments de surrection, exactement, comme une couche géologique qui, tout d'un coup, se soulèverait, n'est-ce pas ? Dans lesquels cette apparence calme, cette eau calme, ce toit calme, se trouve brisée. Et ce sont ces moments-là qui sont, pour Gauthuysen, pleins de sens. Parce que ce sont ces moments dans lesquels se pose la question du sens de ce que l'humanité a déjà vécu, de ce que l'humanité est capable de se remémorer. Jean Duvigneau, sociologue, connaissiez-vous les textes de Bernard Gauthuysen, du moins ceux qui avaient été publiés, au moment où vous êtes rentré en contact avec sa compagne Alix Guillain? Et exactement en quelle année est-ce que cela se passait? Oui, j'ai connu les textes de Gauthuysen par Clara Malraux, par Edgar Morin et quelques autres. Ces textes-là n'étaient pas encore complètement édités, il fallait les découvrir soit dans des dactylographies, soit dans des revues qui avaient été publiées ici et là. Et je me souviens très bien d'être allé chez Alix Guillain, dans le fameux studio, atelier qu'occupait Gauthuysen, rue Campagne Première, où il y avait à la fois une bibliothèque considérable et un grand fouillis de papiers. Et là, en effet, dormait, et dorment peut-être même encore, je crois, plus dans cet atelier, mais ailleurs, dorment peut-être encore de très nombreux textes de Grout, comme on disait. Et ce qui m'a frappé surtout dans la pensée de Gauthuysen, c'est d'abord qu'il ouvrait une voie qui, à l'époque, me paraissait à moi du moins féconde, à l'écart de la pensée existentielle, à l'écart de la pensée marxiste, qui étaient là, à l'époque les deux pôles de la réflexion, et qu'ils offraient alors un chemin nouveau, un cheminement nouveau pour la compréhension des phénomènes de la connaissance, ou même des phénomènes sociaux. Et je pense par exemple très curieusement que la lignée à laquelle sera qui est ouverte par Gauthuysen, je ne sais pas s'il serait d'accord, mais je pense que Foucault, par exemple, elle est dans une lignée qui n'est pas éloignée de celle de Gauthuysen. Je ne sais pas s'ils ont connu, se sont connus leur texte, mais il y a là un rapport, un rapprochement. Les mots et les choses, et même l'archéologie du savoir, mais surtout les mots et les choses, m'ont toujours paru être dans une optique qui était plus proche de celle de Gauthuysen que de quelque autre. Jean Duvigneau, dans les années 50, vous étiez un jeune intellectuel marxiste. Est-ce que lorsque vous avez lu les textes de Grotewiesen, vous le ressentiez essentiellement comme un philosophe marxiste ou au contraire la place qu'il donnait à l'homme et à sa liberté dans l'histoire, faisant de lui, comme il disait, l'architecte et même l'artiste, c'est une expression qu'il emploie dans Philosophie de la Révolution française. Est-ce que justement une position comme celle-là vous semblait assez éloignée, disons, d'un marxisme orthodoxe ? Écoutez, je crois qu'il faut toujours distinguer dans une pensée, qu'elle soit marxiste ou autre, son aspect, disons, de réflexion et son aspect d'idéologie. Bon, l'aspect d'idéologie, je m'ai beaucoup intéressé, ou plutôt je m'en suis séparé très tôt. L'aspect de réflexion, c'est autre chose. Et effectivement, Grotewiesen essayait de repenser une certaine réflexion, disons, marxiste, qui ne fut pas marxologiste, si je puis dire, enfin, qui ne fut pas celle de ses disciples. Je ne pense pas qu'il ait une grande estime pour les disciples. Mais pour essayer de ressaisir ce que avait voulu dire Marx à travers Marx. Et ça me fascinait beaucoup à l'époque, dans la mesure où ce que je cherchais n'était pas une idéologie, mais au contraire une sorte de, pourquoi pas de le dire, une sorte de métaphysique. Dominique de Santi. Alors, je voudrais dire aussi qu'il y a autre chose où Groot a été un précurseur, c'est la vue que nous avons de l'enfant, des rapports de l'enfant et de l'homme. Et il écrit par exemple cette phrase, « L'enfant, c'est ce sans quoi aucun homme n'apprendrait jamais rien. » Et il la développe en disant, c'est pas vrai, l'enfant, c'est pas un homme diminué, un homme qui ne sait pas encore, un homme qui serait tel qu'il deviendra déjà, mais sans le savoir. C'est pas du tout ça. L'enfant, c'est autre chose qui, ensuite, en étant prise, cette chose, dans l'ensemble des savoirs, se transformera en homme. Mais l'enfant, c'est déjà quelque chose d'achevé en soi. C'est quelque chose qui existe par soi. Et alors ça, c'est une idée, évidemment, freudienne à son origine, et qui n'était pas du tout ni répandue ni admise. C'est tout à fait ça. Parce que le texte s'intitule « L'enfant et le métaphysicien ». Oui. Alors, l'enfant n'est pas un être qui serait inachevé, qui serait voilà. Simplement en chemin. Non. Mais c'est un être qui a un certain rapport au monde, et en tant qu'il a ce rapport au monde, et que ce rapport n'est pas un rapport de savoir encore, c'est un rapport complet. Et que, deuxième idée, sans cette expérience, sans cette constitution du monde de l'enfant, aucun savoir ne peut jamais être constitué ni être acquis. Aucun. Donc, c'est encore, disons, un effort pour saisir au plus près la genèse de la culture. Une culture, ça repose toujours sur un certain sens que prend le monde pour un vivant, l'enfant, en ce cas. L'Église, en glorifiant l'esprit d'ordre, semble en quelque sorte consacrer le bourgeois qui, fidèle à remplir avec exactitude ses devoirs, se confine dans sa sphère. Mais ce bourgeois, dont certes ne se pourrait passer la société moderne, est loin de résumer en lui tout l'esprit de sa classe. Il y a un autre genre de bourgeois. Celui-là n'a rien du moine transplanté dans un bureau. Il se pousse en avant, il est énergique. Et ne se confinant point dans une vie rythmée par le travail, il voudra se dilater et acquérir par son effort puissance et richesse. Mais que dira l'Église de ce bourgeois qui sera le roi des temps modernes ? Elle ne l'aime pas. Elle ne saurait l'aimer. Son esprit est trop opposé au sien. Il semble vouloir braver Dieu et, confiant en ses propres forces, organiser la vie en dehors du plan de la divine providence. Dominique de Santi. Je voudrais dire quelque chose qui s'insère dans le discours de Jean Toussaint de Santi, c'est que il était tout à fait moderne et complètement d'avant-garde par rapport à l'époque où il écrivait, parce que ce qui l'intéressait, c'était moins les grandes théories dominantes, dirais-je, que les conduites, par exemple. Il étudie les manuels des confesseurs, c'est-à-dire la façon dont les gens vivaient. Et ça, c'est... il étudie les sermons qui ne sont pas de Bossuet. Il étudie les manuels où on apprenait aux prêtres à faire des sermons, c'est-à-dire le moule à sermons. Alors justement, Jean Toussaint et Dominique de Santy, l'anthropologie philosophique dont parlait Jean Toussaint de Santy, a d'abord paru en Allemagne à la fin des années 20. Elle n'a été traduite et publiée en France qu'en 1952. Mais il y a un livre qui a paru très tôt en France, en 1927. Ce sont les origines de l'esprit bourgeois en France, auquel Dominique de Santy, vous faisiez allusion, où il étudie, en dépouillant une multitude de sermons de Bossuet, de Massillon, de Bourdalou, et puis des jansénistes, Quesnel, Nicole... Arnaud, mais également de gens inconnus, de prêcheurs que nous n'avons pas retenus, où il étudie, d'ailleurs c'est un livre un petit peu touffu, que l'on a du mal à pénétrer, justement à cause de l'abondance des sources citées, le rôle de l'Église sur la formation de la conscience bourgeoise. Bon, c'était le moment où également en France, dans le champ de l'histoire, ça, apparaît, se développe l'école des Annales avec Lucien Febvre, Bloch et d'autres. Or, Grote, il connaissait très bien tout ça, bien entendu, l'école des Annales. Mais il présente dans ce livre une façon tout à fait originale de fabriquer de l'histoire des idées. L'histoire des mentalités. Voilà, c'est déjà l'histoire des mentalités. C'est déjà l'histoire des mentalités. C'est-à-dire... C'est un précurseur. Oui, il s'agit de penser ensemble, de prendre ensemble les systèmes d'idées qui sont livrés au niveau le plus explicite, par exemple, une philosophie, une idéologie, ou fût-ce un sermon de Bossuet, ou fût-ce une oraison funèbre de Bossuet, quelque chose qui se présente comme un tout achevé et explicite. Il s'agit de ramener cela à son terrain d'origine. Ce terrain d'origine n'est pas muet. D'abord parce qu'il y a des gens qui écoutent, prenons un sermon. Une philosophie, il y a des gens qui la lisent. Ça s'adresse, ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait simplement pour exister dans un écrit, c'est fait pour être lu. Et dès l'instant que ça s'adresse, il faut tenir compte de l'esprit de ceux qui la reçoivent. Alors sa thèse, justement, dans ses origines de l'esprit bourgeois en France, c'est que avant même qu'il y ait une crise de doctrine du catholicisme dans ce XVIIe siècle, il y a eu deux catholicismes, deux types de foi différentes qui ont apparu. C'est-à-dire que, assez rapidement... une partie de la population a cessé d'avoir une foi qui était simplement la foi toute simple du peuple. Ce sont les bourgeois qui ont évolué progressivement vers une sorte de foi critique, une incrédulité, tout simplement, dit Grotewiesen, pour se sentir libre, pour achever leur œuvre dans le domaine moral et économique. C'est ça. Alors ça, c'est un peu son côté marxiste. Ces thèses, d'ailleurs, de Grotewiesen ont été, si je puis dire, gauchis par la suite. Un travail tout à fait remarquable, d'ailleurs, comme celui de Goldman, de Lucien Goldman, sur le jansénisme, va assez dans ce sens, ce qui montre comment le jansénisme, finalement, est l'affaire des hommes de robe, l'affaire des robins. Bon. Mais Grote aurait été, il a été moins systématique. Au fond, ce qu'il dit, c'est ceci. Il dit, la foi... a commencé par être une foi, disons, naïve. Une foi non seulement naïve, mais qui pénétrait la vie entière, non seulement du fidèle, mais l'ensemble des rapports humains. Elle est devenue une foi inquiète, d'abord. Elle est devenue une foi inquiète, d'abord avec la réforme. Et puis, peu à peu, elle est devenue sceptique et critique, au fur et à mesure que le monde social a manifesté ses propres exigences, que Goethe indique comme des exigences morales et des exigences économiques. Autrement dit, le souci du monde n'a plus été absolument traversé par les exigences de la foi. Le souci du monde s'est, pour ainsi dire, surélevé. Il est devenu apparent. Et un autre type de nécessité est né alors, et à ce moment-là, bien entendu, le contenu éthique, dogmatique de la foi se déplaçait. Et dès l'instant où il se déplaçait dans ce monde, ben, il devenait objet de contestation. Il entrait, pour ainsi dire, en contradiction avec des exigences nécessaires, des exigences de la vie. Et c'est à ce moment-là qu'il note justement une discordance entre vie chrétienne et vie bourgeoise. Voilà, à ce moment-là, commence à apparaître la première couche constitutive de l'esprit bourgeois. On pourrait facilement étendre la comparaison qu'il y aurait à faire entre le bourgeois disciple des jansénistes et le bourgeois disciple des jésuites. Par exemple, l'un remplira ses devoirs sociaux parce qu'il est honnête par principe, l'autre, en remplissant ses devoirs sociaux, se dira « me voilà fort honnête homme ». L'un, caractère probe et rigide, se montrera tel qu'il est dans les différentes fonctions de la vie de tous les jours, l'autre aura la personnalité de son état qui fera de lui moins une individualité morale qu'un être socialement déterminé. Il sera soumis à des règles qu'il serait malhonnête et peu chrétien de ne pas suivre. Le premier devoir de la probité étant toujours, comme le dit le père Bourdaloue, de se soumettre à l'autorité. C'est-à-dire, tandis que le disciple des pères jésuites sera un homme sûr, et qui, selon toute probabilité, se tiendra toujours sagement dans les bornes de la médiocrité, le disciple des jansénistes pourrait parfois tomber dans des excentricités. Ne vous fiez pas trop à lui. Il pourrait prendre les conseils à la lettre et se montrer peu docile. Soudé dehors bourgeois, il cache souvent un esprit romanesque qui a conservé le goût des anciens héroïsmes. Jean-Toussaint de Santy, Dominique de Santy, il y a tout de même une continuité entre l'anthropologie philosophique, ensuite les origines de l'esprit bourgeois en France, qui est essentiellement une étude de ce qui se passe au XVIIe siècle, et puis le livre qui va s'intituler « Philosophie de la Révolution française » et la publication séparée des Montesquieu et des Rousseau, qui ne paraîtra en France qu'en 1956, c'est-à-dire 10 ans après la mort de Bernard Grotwiesen. Cette philosophie de la Révolution française, où il étudie successivement quelles ont été les influences des philosophes des Lumières, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot, sur les idées que l'on retrouvera développées ou radicalisées dans la Révolution française. D'abord, on a le sentiment que ce XVIIIe siècle, c'est son siècle favori. On sent toutes les distances qu'il introduit avec le XVIIe dans le précédent ouvrage sur les origines de l'esprit bourgeois en France. Par contre, ce XVIIIe est son siècle, non? Oui, il était de plein pied. Parce qu'à vrai dire, cet homme tellement complexe et dont la pensée entraînait avec elle tellement d'expériences diverses et tellement de domaines, de cultures sédimentées. C'était un homme des Lumières, c'est un homme de la limpidité. C'est ça ce qui fait, disons pas mes yeux, le charme de la lecture des textes de Grotwiesen, c'est cette limpidité. Et il la retrouvait dans la façon d'être et dans la façon d'écrire des gens du XVIIIe, qui parlaient des choses les plus difficiles dans un langage quotidien. Dans son livre, justement, il tient beaucoup à opposer le XVIIIe au XVIIe. Il montre les différences, notamment dans la démarche philosophique, entre le XVIIIe et le XVIIe. le 18e, si l'on accepte la fin, n'est-ce pas, avec la philosophie allemande, la naissance de le criticisme, Kant, et si on laisse de côté aussi l'Allemagne, n'est-ce pas, qui était, la philosophie était, a toujours été systématique, même au 18e siècle, mais le 18e siècle français, c'est un siècle de philosophes. Mais le mot philosophie a changé de sens. Ça n'est pas le siècle des systèmes. C'est le siècle des éclaircissements. C'est le siècle où on essaye de faire reculer l'obscur, soit en l'écartant, soit en le réduisant à ce qui est clair. Bon. Ça n'est pas un siècle cartésien en ce sens, parce que Descartes était bien l'homme de la clarté, mais c'était aussi l'homme du système. Le XVIIIe siècle, non, c'est le siècle de l'expérience, c'est le siècle du souci du fait, c'est le siècle de l'analyse minutieuse, du mode de fonctionnement de la pensée. C'est un siècle analytique et qui recule devant l'arbitraire des synthèses purement conceptuelles. Alors je comprends, et c'est tout à fait compréhensible, qu'un homme comme Groot, qui avait éprouvé avec toute sa génération allemande la déception devant les grandes philosophies du passé, et les grandes philosophies allemandes du passé, qui sont venues après le XVIIIe siècle français, et trouver son bien dans le XVIIIe siècle français, ça me paraît tout à fait naturel. C'était en tous les cas tout à fait compatible avec ce que lui voulait faire. Je note au passage une de ces oppositions justement entre les deux siècles. Au début du XVIIe siècle, la science, dit Grotuisen, se propose comme but de connaître le monde, le système du monde. C'est en cela que consiste sa valeur, sa raison d'être. Au XVIIIe, par contre, l'objet de la science consiste à connaître des faits isolés, à en rassembler le plus possible et à établir entre eux des relations multiples correspondant au but que l'on veut atteindre. C'est toute la différence entre d'Alembert et Descartes, n'est-ce pas, qui est marquée ici. Il y a aussi un aspect du XVIIIe dont il se sent très proche et dont il fait d'une certaine façon un peu l'apologie, c'est l'esprit de finesse. Ah ben bien sûr. Il était l'esprit de finesse. Tout son dialogue, tout son être, toute sa conversation et cette manière de faire surgir dans l'interlocuteur ce que l'interlocuteur ignorait qu'il fût en lui, c'est par l'esprit de finesse qu'il y parvenait. Alors évidemment, oui. L'esprit de finesse, c'était finalement l'esprit pour lui, pour oui. Nous aussi d'ailleurs. Et comme depuis Pascal, nous le définissons ainsi. Et ça, bon, ça n'a pas changé. C'est l'esprit sensible aux différences de sens, aux variations, de loin insensibles du sens. L'histoire, comprise à la manière de Montesquieu, se présente comme un vaste champ d'expérience. Les hommes peuvent désormais puiser les enseignements qui leur permettront à leur tour d'agir, qui leur apprendront ce qu'il faut faire. L'homme d'État est à même de diriger l'activité politique vers des buts rationnels. Le sentiment d'impuissance, d'insécurité attaché aux projets humains a fait place à la confiance en soi que donne le savoir. « La raison humaine gouverne tous les peuples de la terre », avait dit Montesquieu en établissant le caractère général des lois. Et l'homme, une fois conscient de la puissance de la raison, sera amené à chercher les moyens qui lui permettront de régler la vie sociale. L'intelligence, devenue pour ainsi dire consciente d'elle-même, ne se bornera plus à chercher ce qui est, elle voudra savoir ce qui doit être. Montesquieu lui a tracé la voie en analysant l'œuvre qu'accomplit la raison chez les différents peuples. La législation devient une science appliquée, un art fondé sur des recherches scientifiques. Les sciences politiques, certes, ne comportent pas une certitude absolue, fondée sur des connaissances qui nous permettraient de saisir l'ensemble de l'univers moral et d'en établir les lois générales dont on pourrait déduire les cas particuliers. Ce n'est pas là la méthode de Montesquieu. Ce qui fait l'objet de ses recherches, c'est toujours le cas particulier. Et après avoir analysé les cas particuliers, il les situe, les classe, sans en méconnaître les différences. Il varie les points de vue et recherche les rapprochements, les analogies. Il compare les phénomènes sociaux, établit des affinités ou des oppositions. Il cherche à embrasser la variété des choses sans la réduire à l'uniformité. Ce ne sont pas des solutions sociales toutes faites qu'il cherche. Ce n'est pas un système de vérité préétabli. Ce sont des procédés qui permettent de se retrouver au milieu de l'infinie variété des formes de la vie sociale. Yvon Bellaval, Bernard Grotwiesen, homme fasciné par les idées du XVIIIe siècle, il semble dans ses écrits voltairiens, quand Voltaire pose le principe de la souveraineté de l'individu, il semble du côté de Montesquieu, architecte de la structure légale d'une société, artisan des règles de l'art social, et surtout du côté de Rousseau, celui que le peuple aime, dit-il, opposant là le peuple au bourgeois qui est Rousseau. Rousseau qui fait une place à la sensibilité et à l'âme dans l'histoire. C'est parce que dans l'œuvre de Grotwiesen, il y a deux versants. Un versant culturel, c'est l'anthropologie philosophique, où il pose la question bien connue, qu'est-ce que l'homme ? Et il la pose à partir de Socrate jusqu'à aujourd'hui, à travers toute l'histoire de la culture européenne. Alors là, vous avez la quête de l'individu. Vous voyez, tout cet aspect-là. Et puis, vous avez l'aspect politique. Et c'est l'aspect 18e siècle, celui, surtout 18e siècle. Et c'est là, justement, où il s'interroge sur le droit naturel. C'est ça qui le passionne. Et le droit naturel, il le trouve et chez Rousseau et chez Montesquieu. On renverse l'ordre chronologique, mais c'est l'ordre de la publication des écrits, n'est-ce pas ? Et il trouve l'un et l'autre là. Dans le cas de Rousseau, il a été le premier, à ma connaissance, à comprendre comment Rousseau se distinguait de ceux que nous appelons les philosophes des Lumières, c'est-à-dire des Français. Parce que Lumière ne peut pas se traduire dans d'autres langues, ça se passe autrement dans les autres pays, n'est-ce pas ? Pour nos Lumières, ils sont tous anticléricaux, écrasés, l'infâme. Le mot de Voltaire montre ce que je veux dire. Et par conséquent, ils sont tous des révolutionnaires pour la religion. Mais quand il s'agit de politique, ce ne sont pas des révolutionnaires, ce sont des évolutionnaires, des évolutionnistes, mais pas des révolutionnaires. Et justement, Grotwiesen a bien montré que chez Rousseau, c'est l'inverse. Il est révolutionnaire politique, mais pas pour la religion. Pour la religion, il est plutôt conservateur, non pas des formes extérieures, mais ça, il était calviniste, c'est normal. Mais Dieu, il n'a jamais douté de l'existence de Dieu, ni de l'exigence morale d'un Dieu vivant. Donc, il l'a vu. Tandis qu'on avait eu tendance, d'abord à l'origine, à confondre, c'est la faute à Rousseau, c'est la faute à Voltaire, les confondre, ils n'avaient rien de commun. Là, on voit plus clair. Et alors, ce que fait à partir de Rousseau et à partir de Montesquieu Grotwiesen, c'est de s'attacher à ce qui est le plus important, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors là, il n'y a qu'à le lire, quoi. C'est admirable comme travail. Parce que, et alors, les deux versants dont je vous parlais, l'un qui était culturel, qui était la recherche de l'individu, la découverte de l'individu, et l'autre qui est politique, se rejoignent finalement dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y aura une Déclaration des droits de l'homme qui règnera sur Terre, comme les lois de la nature régissent l'univers. Elle sera le nouvel évangile, l'évangile de toute l'humanité. Car de même que chacun a ses droits et les connaît, la Déclaration des droits doit annoncer les droits de tous les hommes, de tout homme, des hommes en général. Ces droits doivent devenir l'alphabet des enfants. On doit les enseigner dans les écoles. Il faut qu'ils soient proclamés sur la place publique, au son des trompettes par des héros, que les prêtres les lisent du haut de leur chair, qu'ils soient distribués en feuilles volantes sur les marchés, déposés dans les archives, affichés par ordre des municipalités sur les murs de toutes les villes, de tous les villages. Alors, le moindre des citoyens deviendra conscient de ses droits. Chacun saura s'il lui a été fait justice ou non. Chacun aura la norme qui lui permettra de juger de toutes les mesures prises par l'État, de toutes les lois. À chaque moment, toute la nation pourra, au sujet de chaque loi, en référer à des principes de droit et au besoin s'en réclamer pour y mettre opposition. Dans la conscience de son droit, telle qu'elle a trouvé son expression définitive dans la Déclaration des droits de l'homme, la nation est devenue le juge souverain des lois. Dans cette philosophie de la Révolution française, Grotewiesen semble avoir beaucoup d'admiration pour Montesquieu, et il note évidemment l'influence importante qu'il a eue sur la Révolution française. Il souligne l'apport évidemment très important de Voltaire, mais on a l'impression qu'il lui reproche un peu sa conception négative, pessimiste et critique de l'histoire. Et on a le sentiment qu'entre ces philosophes du XVIIIe siècle, c'est peut-être pour Rousseau qu'il a le plus de tendresse. Mais oui, on comprend cela. Rousseau est un homme qui a écrit à la fois les confessions, les rêveries du promeneur solitaire, hein, le contrat social, qui, aux yeux de Courtuzanne et aux yeux aussi maintenant, constitue vraiment le modèle de la langue théorique française. Le modèle de précision et de force. Bon. Et en même temps, il y a les effusions. Donc c'est l'homme complet. L'homme se montre dans la totalité de ses possibilités. Ici, d'une part, comme maître du concept, des concepts, maître de l'agencement des concepts, architecte des concepts. Et d'autre part, comme adonné au flux de ses sentiments. Et il s'agit bien de prendre tout ça ensemble. Grotewiesen a une très belle expression à propos de Rousseau. Il dit, pour Rousseau, la philosophie, c'est l'histoire de son âme. Et il l'oppose en cela aux philosophes qui combinent des idées et inventent des systèmes. Voilà. Là, c'est tout à fait ça. Pour lui, il n'y a pas de contradiction entre la vie et la vie. Il a la même tendresse pour Rousseau que celle qu'il devait avoir pour Saint-Augustin. Pour le bourgeois, Rousseau est l'homme qui exagère toujours dans un sens ou dans l'autre, et souvent même en sens contraire. C'est un exalté, c'est l'homme des passions exclusives. Dans la vie et dans la théorie, il est toujours le même. Dans les grandes choses et même dans les petites, il ne vit que dans des emballements successifs. Et c'est ce défaut que le bourgeois reproche aux théories de Rousseau. Quand Rousseau dit « citoyen », il ne veut plus voir que des spartiates. Quand il dit « homme naturel », il s'enfuit dans les forêts pour ne plus voir que l'homme des premiers temps. Et du même coup, il semble toujours rejeter loin de lui tout ce qui est bourgeois, tout ce qui est juste milieu. Pour le bourgeois, Rousseau est l'esprit romanesque, l'esprit qui lui est antipathique par essence. Il n'est cependant nullement en désaccord en toute chose avec Rousseau. Ce que Rousseau dit touche même parfois des cordes sensibles en lui et résonne de façon ou d'autre dans son cœur. Jean-Jacques a le don de l'émouvoir, mais tout en se laissant influencer par lui, il saura faire la part du paradoxe et ne verra pas la nécessité de pousser ses sentiments jusqu'aux dernières conséquences et de subir les conflits auxquels mènerait un pareil fanatisme. Il croira, tout en admirant Rousseau, trouver le bonheur à meilleur marché dans un équilibre que l'âme inquiète de Jean-Jacques n'a jamais su trouver. Et ce fut là la grandeur de Rousseau, qu'il ne sut être heureux d'un bonheur imparfait et relatif, qu'il ne sut s'arrêter au terme moyen, qu'il resta toute sa vie l'esprit romanesque, le grand enfant qui croit aux rêves, l'homme qui ne sait vivre d'une vie mixte et croit à la réalisation intégrale de l'idéal. Je crois que quand il analyse un texte, il fait rendre à ce texte autre chose que ce qu'on y voit en le lisant simplement comme ça. Parce qu'il fait toujours intervenir justement la dimension de l'âme, la dimension du sensible. Et je crois que c'est un génie particulier qui, évidemment, devrait maintenant être extrêmement sensible à nous tous qui cherchons à approcher le quotidien à la fois de façon anthropologique, de façon ethnologique, de façon psychanalytique, et qui essayons de ne pas nous limiter à ce qui est dit, au rationnel, au discours. Eh bien, Grotthuysen ne s'est jamais limité au rationnel et au discours. Et en ceci, il était intensément en avance sur son époque et tout à fait contemporain de la nôtre. Edgar Morin, vous êtes né en 1921, c'est-à-dire que vous avez eu 20 ans pendant la guerre et vous vous êtes engagé dans une résistance active, une résistance armée. Vous avez ensuite mené un combat politique dans la France de l'après-guerre au sein du Parti communiste. Mais au moment où s'est radicalisé le stalinisme, vous en avez été exclu en 1951 et votre repli, vous le dites dans votre livre autocritique, qui raconte justement cette crise, a été de vous réfugier dans la théorie et dans la connaissance en entreprenant la recherche sociologique au CNRS. À quel moment avez-vous connu Bernard Grotthuysen et a-t-il eu une influence sur vous par ses contacts, par ses livres, peut-être en tout cas les textes qu'il avait publiés alors, dans votre évolution intellectuelle? Je me souviens bien que en 42-43, c'est-à-dire sous l'occupation, par Clara Malraux, j'ai fait la connaissance de Jean Paulhan et d'autres personnes de la NRF dans une intention un peu de résistance. L'idée était de créer une sorte de comité officiel d'écrivains pour envoyer des livres aux prisonniers français qui étaient en Allemagne. Et donc, sous ce couvert, de pouvoir glisser dans les livres de la littérature de résistance et des indications aussi pour inciter au sabotage et à donner des renseignements sur la machine de guerre allemande. Alors, ma découverte de Grotthuysen, peut-être que je l'avais rencontré dans un bureau de Gallimard, que je crois, mais c'était une chose de le voir dans ce bureau de Gallimard, et l'autre chose de le voir chez lui. C'est-à-dire, pour moi, cette propos me portait toute une culture que j'adorais, que je connaissais mal, par exemple Simmel, tous ces philosophes, sociologues allemands, que j'avais connu via le livre de Raymond Aron sur l'introduction, je crois, à la sociologie allemande, ou sa thèse, n'est-ce pas? J'avais connu étudiant ces choses-là. C'est ça, mais dans les années 30. C'était cette culture allemande, c'était ces penseurs allemands, qui n'étaient pas du tout connus en France. C'était ça qui me fascinait, c'était ce carrefour de pensée à la fois relativiste, historique, marxiste. Et il portait ça. Et je dois vous dire que même, quand j'ai lu, après, ces choses. D'ailleurs, c'était quelqu'un justement qui vivait essentiellement dans l'oral, dans ce qu'il disait aux autres, tel que me l'avait présenté Clara Malraux, un homme dans le fond qui n'écrivait pas, mais qui adorait parler aux autres, leur donner sa sagesse. C'est un homme, et ça me semblait aussi quelque chose de sublime, des gens qui n'ont pas besoin de cristalliser leur œuvre personnelle, et donc toute l'œuvre est à travers la parole, la conversation, même pas la parole du maître. C'est Socrate, c'était ça. Il était vraiment socratique dans ce sens-là. Et donc, j'avais l'impression d'une pensée très profonde, très riche, ça me marquait beaucoup. Et quand j'ai lu son Origine d'esprit bourgeois ou des textes de lui, je n'ai pas trouvé ce déclic comme si il n'y avait pas peut-être que j'attendais quelque chose de magique, n'est-ce pas? J'attendais une sorte de révélation de ces textes et je ne la trouvais pas. Il y avait aussi une chose qui me montrait son désintéressement. Je crois que je lui ai demandé de me faire la préface de mon premier livre, L'An Zéro de l'Allemagne. Et il me l'a faite, du reste, très très gentiment. Et pour moi, c'était un symbole très fort de voir cet homme que j'estimais beaucoup, dont j'estimais la sagesse, porteur de la culture allemande, parce que pour moi, ce livre, L'An Zéro de l'Allemagne, je l'avais fait en anti-nazi absolu et en quelqu'un qui est fasciné par l'Allemagne, qui est nourri, disons, de la culture allemande, bien que je ne connaisse pas l'allemand, mais qui trouve les sources les plus fondamentales de poésie, de philosophie, de musique là-bas. Et à la différence de l'époque où vraiment il y avait un climat dit anti-Bosch, anti-allemand, etc., qui a régné pendant un certain temps, c'est un peu cette chose-là que je voulais traduire, l'un et l'autre, c'est-à-dire l'anti-nazisme et tout en étant l'amour de l'Allemagne. Et je voulais que ce soit lui qui, évidemment, fasse la préface, ce qu'il m'a fait. Edgar Morin, sociologue du monde contemporain, vous en avez donné à percevoir toute la complexité comme l'esprit de finesse au XVIIIe siècle, selon l'analyse qu'en fait Gretuizen. Mais vous avez aussi été soucieux d'élaborer une méthode de connaissance, sinon un système dans la méthode. Et au fond, Gretuizen aussi était à la recherche d'un système de pensée pour appréhender une réalité complexe. Je crois qu'il avait le sens même de la complexité. Je crois par là même que ça faisait que c'était un esprit antisystématique. Je crois donc que son sens profond peut-être de la complexité était ce qui l'avait empêché de se consacrer à une œuvre qui puisse justement rendre compte de la complexité dont il parlait et qui préférait le donner par fragments, par perles, disons, à travers la conversation. Dans la réédition de l'Anthropologie philosophique, Henri Méchonnic, qui préface ce texte, dit de manière très polémique « Bernard Gretuizen tient en éveil une pensée du vivre et de l'individu qui échappe au schéma hegélien. C'est pourquoi, à la fois, la phénoménologie et le marxisme ont intérêt à l'oublier. Tout silence est stratégique, le silence sur Gretuizen l'est particulièrement. » Oui, je crois. Enfin, moi, je serais en gros sur le fond de ce qui est dit, mais pas sur la forme polémique, ou même pas sur l'idée polémique qu'il y a derrière, parce que enfin, ce genre de phrase fait toujours un peu le complot, n'est-ce pas? Bon, Gretuizen n'entre pas dans les alternatives que nous, et surtout nous, Français rationalisateurs, c'est même pas nous, Français cartésiens, nous avons des catégories, n'est-ce pas? On est ou là, ou là. On est pour la phénoménologie, donc on n'est pas marxiste, on est marxiste. Et tout ça, c'est des alternatives. On choisit toute la marchandise d'un côté ou toute de l'autre. Et quiconque se trouve entre les deux apparaît soit un confusionniste, soit un syncrétiste de bas niveau, c'est-à-dire quelqu'un qui mélange tout dans son esprit, enfin, c'est-à-dire aussi un confusionniste. Et je crois que, de plus, comme en France, on ne connaît pas bien, il y a beaucoup d'auteurs qui faisait partie de la culture de Gretuizen, enfin je reparle à Zimmel, n'est pas connu, on n'a pas les points de référence pour le référer. Et je crois que c'est ça peut-être le fait, ce refus. Mais dans un autre cas, vous avez des gens comme Georges Bataille, qui est très très connu, mais qui n'est absolument pas assimilé non plus, parce qu'il ne colle pas dans les catégories. Mais alors Edgar Morin, dans le cas d'une pensée comme celle de Bernard Gretuizen qui se dépense dans la communication orale et qui ne laisse sur le plan de l'œuvre écrite que des fragments de cette pensée, comment, d'une certaine façon, peut-elle être communiquée au-delà de la génération qui l'a connue? Et oui, parce que Socrate avait trouvé son Platon, disons. Et il est évident qu'il y a une diaspora, n'est-ce pas, des germes qu'a donné Gretuizen. Il a semé partout et ça a germé dans différents esprits, mais on ne peut pas reconnaître la marque individuelle. Alors, ceux qui ont bénéficié de sa conversation, de son amitié, le savent, mais c'est une quête, si vous voulez, dont on ne pourra retirer que... Sans doute que les cendres, enfin que les choses un peu desséchées, enfin desséchées dans le sens qui ont perdu peut-être l'essentiel. Ce qui reste, c'est dans le fond, ce qui prend le sens du durable en fonction de ce qui a été perdu. Je veux dire par là que c'est justement parce que c'était un homme d'un grand détachement, donc d'une grande sagesse, parce que c'est un des hommes qui a donné un sens à ce mot sagesse, c'est-à-dire qu'un sens qui n'est pas la copie du mot de l'Antiquité, mais qui est quelque chose dans le monde moderne, n'est-ce pas, où les conditions de la sagesse sont quasi impossibles. Cet homme a vécu d'une très belle façon, que c'est un exemple. Et c'est parce qu'effectivement, il ne s'est pas occupé de son œuvre qu'il peut nous donner cet exemple de sagesse. Finalement, si vous voulez, ce qui a été perdu, c'est-à-dire la richesse d'une œuvre, correspond à ce qui peut être retrouvé, c'est-à-dire l'exemple d'une éthique et d'une morale humaine.